Un morceau choisi de l'alphabet, LMNOP, nous parle d'Émile Ombande. Pas de doute, c'est bien une roue libre ce soir sur Podcast Science. Bienvenue. Salut à tous. Pierre, c'est la première fois que tu fais une pré-intro, non ? Yes, je suis ému. Félicitations. Donc, ce soir, roue libre, comme on disait. Alors, on va faire un petit tour de table. Donc, nous avons Pierre depuis Paris, Irène depuis les États-Unis d'Amérique, Santa Barbara. Irène, tu es là. Salut, Irène. Salut. Pascal en charge de l'enregistrement de secours. Salut, Pascal. Salut. Robin dans la chatroom, un Alan fantôme qui n'est pas là mais qui a fait quand même un ou deux petits trucs. Et plus important, Léa et Pierre, nos invités de ce soir, depuis Paris aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors au sommaire de cette roue libre, nous accueillons LMNOP de Émile Ombande, un pseudo bizarre qui rappelle le LHOQ de Marcel Duchamp. Derrière le pseudo LMNOP se cachent en réalité deux personnes, donc Léa, ou LM, et Pierre, NOP, ils vont nous expliquer tout ça, et qui vont tous deux nous parler de leur blog BD, Émile Ombande. Donc ce n'est pas une onomatopée, vous êtes toujours dans Podcast Science, mais c'est le nom du blog. Et sinon ce soir, comme c'est un roue libre, il y aura encore plein de choses un peu bizarres, diverses et variées. Ce soir, il y aura le nouveau quiz de Johan, il y aura des capsules proposées par Alan, qui nous envoie des sons, même quand il n'est pas là. Donc des questions d'auditeurs, une côte sans doute préparée avec amour par nos invités, peut-être des plugs, qui sait, je crois qu'il y en a au moins un d'Alan, il me semble. Tout à fait. Et puis ce sera tout, et donc partons tout de suite par quelqu'un qui est un peu au courant de ce qui se passe, avec l'interview, Pierre. C'est à toi. Alors, ce soir, cette émission est enregistrée et diffusée en même temps que la Journée internationale des droits des femmes. Alors, honneur à la représentation féminine de votre duo. Léa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, ton travail, tes hobbies ? Dis-nous tout. Je suis dans la vie, je suis illustratrice et auteure de bande dessinée. Donc, je fais ça toute la journée. Pas juste le week-end. Plus professionnellement, j'ai fait une bande dessinée qui est sortie en 2015, qui s'appelle Nora, aux éditions de La Gouttière. Et donc voilà, je travaille généralement sur des travaux personnels d'illustration ou de bande dessinée. Et puis sinon, mes hobbies, comme vous vous en doutez, j'aime dessiner à peu près sous toutes ses formes, donc en gravure aussi, en sérigraphie. Je fais aussi des gifs animés, ça m'arrive. Et du coup, récemment, j'ai découvert les sciences sociales, donc qui représentent maintenant un de mes hobbies aussi. Parfait, les gifs animés ça m'intéresse, il faudra que tu nous donnes un lien pour que je vois un petit peu ça. D'accord, ça marche. À ton tour Pierre, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais de tes journées, au boulot et en dehors ? Moi je suis en deuxième année de doctorat en sociologie à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est aussi un boulot à plein temps, un boulot à plein temps avec plein de facettes. Je lis des articles, je fais mes enquêtes de terrain, je rencontre donc des enquêtés, je vais à des séminaires, j'essaye de donner des cours, même si c'est pas forcément facile de trouver une place. Et parmi tout ça, quand je m'ennuie ou quand j'ai plus envie, je me mets à la tablette à dessin et j'essaye de me mettre moi aussi au dessin. Et une manière de justifier ça, c'est par rapport à mon directeur de thèse notamment, c'est de dire « mais si, je fais des dessins, mais il y a de la socio dedans ». Donc voilà pour moi. C'est parfait. Donc vous savez tous les deux dessiner. Ce qu'il faut savoir sur Podcast Science, c'est que les émissions sont aussi live sketchées la plupart du temps, notamment grâce aux contributions de Puyo et Inti. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Je n'ai pas regardé. Là, je ne les ai pas vus pour l'instant dans la chatroom. Dommage. Mais du coup, puisqu'on a deux illustrateurs, je vous invite aussi, Léa et Pierre, à participer si vous en avez envie en dessinant pendant que l'autre a la parole. Vous tweetez votre dessin avec le hashtag PS252 et le dessin apparaîtra automatiquement dans la chatroom et sera collecté pour les notes de l'émission. Si vous avez le temps, si ça ne vous rajoute pas une note de stress là. Dans... on va voir. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne pense pas que vous serez en mesure de réaliser le nouvel exploit de dessiner en même temps sur le même dessin. Alors, j'en profite d'ailleurs pour raconter cette petite anecdote. J'ai rencontré Léa et Pierre en vrai, in real life, pour la première fois lors du festival de blog BD We Do BD en octobre 2015. C'était très très agréable. Et ils ont participé participé à l'animation du stand de Strip Science, et pour l'occasion, ils ont quand même décidé à plusieurs reprises de ne pas réaliser des dessins séparément, mais de réaliser des dessins à quatre mains. C'était hyper impressionnant, j'ai même une petite vidéo pour le prouver, je vais la mettre dans la chatroom, et elle apparaît aussi dans le compte-rendu du festival sur le site Strip Science, c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup. Merci. Du coup, sur votre blog commun et Milon Band, vous utilisez le pseudo LMNOP, est-ce qu'il y a une ou plusieurs raisons d'utiliser ce pseudonyme ? Il y en a plusieurs, en effet. Déjà, avec Pierre, on aimait bien l'idée, ça arrive de temps en temps, notamment en bande dessinée, que deux personnes se cachent sous un même pseudonyme. Ça brouille un peu les pistes et nous, on trouvait ça assez marrant, l'idée que, au final, nous réunis, on formait plus une entité qui fait de la socio en BD plutôt que deux auteurs à part entière. Oui, et puis en plus, ça a quand même un autre avantage, c'est que un pseudonyme, c'est anonyme. Et donc, c'était aussi une manière de se protéger, notamment du côté de l'université, parce que quand on a lancé ça, on n'avait à peu près aucune idée de comment ça pouvait se goupiller et quels seraient les retours que l'on aurait. Donc voilà, c'était effectivement garder cet anonymat, même si c'est très vite devenu un secret de polichinelle et que finalement, très vite, les gens de mon université savaient qui j'étais. Du coup, a posteriori, vous le referiez de prendre ce pseudo ou c'était une bonne décision, une mauvaise décision comment vous l'envisagez ? Oui, pour moi, c'était quand même une bonne décision parce que ça permettait de, on va dire, d'entretenir un peu le doute, surtout du côté de Pierre. Après, voilà, maintenant, on l'utilise parce qu'on l'a mis au début, mais c'est vrai qu'on va plus parler de nos vrais noms, d'autant plus que de mon côté... du coup, j'ai publié la bande dessinée que j'ai publiée sous mon nom, mon vrai nom. Donc voilà, je partage aussi ce qu'on fait sur le blog. Bon, voilà. Après, du côté de Pierre, je ne sais pas trop. Moi, c'est vrai que la chose que j'aime bien, c'est que ça permet de créer en fait un personnage. Donc le personnage de NOP, c'est pas tout à fait moi. Donc ça me permet de lui faire faire des choses que je fais pas du tout dans la vraie vie. Mais oui, effectivement, je pense que de plus en plus, on va être amené à assumer nos identités. Bon, c'est parfait. C'est bien, j'ai vécu à peu près la même chose moi avec mon pseudo Topo, donc ça me fait plaisir d'entendre. Oh, ouais. Maintenant, tout le monde m'appelle Pierre, mais c'est vrai que j'avais utilisé ça parce que j'avais un petit peu peur du regard des autres et c'était plutôt pas mal finalement à posteriori d'avoir fait ça parce que ça permet justement de tenter des choses que j'aurais pas tenté comme ça de prime abord. Tout à fait. Quand on préparait l'émission en interne, il y a certaines personnes qui pensaient qu'on allait parler cul hein, dans cette c'est vrai que c'est assez provocateur comme nom de blog. Ah bon, mais qui ? Je sais pas, je ne citerai personne, Irène. Des noms. Moi, j'ai eu très peur en voyant l'objet, je voyais que le truc se déroulait et tout, je me dis mais il y a vraiment des invités en fait, c'est pas... c'était pas une private joke. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie ce titre de blog ? Oui. En fait, c'est assez basique quand on décompose mot à mot. En fait, c'est Émile, c'est en référence à Émile Durkheim, qui est l'un des fondateurs français de la sociologie. Donc, une grande référence pour beaucoup de chercheurs, et moi y compris. Et on bande, donc bande en référence à la bande dessinée. Donc voilà, il y avait clairement un aspect très putassier qui marque les esprits, et c'est en fait ce qu'on voulait faire. Oui, du coup, d'ailleurs, on pense que ça a dû jouer un peu dans le démarrage du blog, puisque on suppose que les gens ont dû se demander qu'est-ce que c'est que ce truc, et du coup, cliquer sur le lien et atterrir sur le blog. Mais voilà, oui, c'est parti plutôt d'une blague, en fait. Finalement, on s'est dit, allez, on le fait, on ose. Oui, et puis d'ailleurs, c'est assez rigolo en y repensant, parce que donc on peut voir un petit peu comment les gens arrivent sur le blog, et quand on voit ce que les gens ont tapé sur Google, des fois on a un peu des surprises, justement, étant donné le nom. Mais la pire recherche qu'on a eue n'avait rien à voir, en fait. Quelqu'un est tombé sur le blog en cherchant des planches sur le lancer de Truelle. On n'a jamais pu trouver d'explication. Si vous en avez une, on est preneur. Donc il y a des concours de lancer de Truelle et la personne voulait vraiment savoir. Enfin, non, je vois pas. A priori. Mais pas de réponse de notre côté. Et est-ce que vous avez pensé, ça me fait réagir parce que Robin en parle dans la chatroom, à faire un billet en duo avec Dans les testicules de Darwin? Non, pour lier les deux noms de blog au même endroit, je pense que ça pourrait. C'est vrai que ça serait une sorte de performance, on devrait fonder un club. Après, le seul truc moi qui me gêne un petit peu dans ces titres, c'est que c'est quand même très masculin comme... On nous a fait la réflexion, ouais. Effectivement, il ouais. Y a pas longtemps sur Twitter, et c'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé. Effectivement, que ce message au début, en fait, j'avais pas compris ce qu'on m'avait demandé, et oui, avec le recul, c'est très masculin. En fait, il s'avère que c'est une question qui est aussi posée parmi les auteurs de bandes dessinées. Il y avait notamment des femmes auteurs de bandes dessinées qui, dans les années 80, avaient lancé l'idée de faire non plus de la bande dessinée, mais de la mouille dessinée. Voilà. J'allais faire la blague. C'est incroyable. Voilà, donc ça a été fait déjà il y a une trentaine d'années. Mais oui, effectivement, c'est très masculin. Mais la seule ligne de défense qu'on a, qui n'est sûrement pas bonne, c'est que ça incite les gens à regarder, et on espère que le contenu, lui, n'est ouais. pas trop mauvais. Mm-hmm. On espère. Mm-hmm. Bon, alors ce blog, finalement, vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est son histoire? Comment vous avez décidé de le créer et comment il vit aujourd'hui? Alors, ça a commencé, le blog a commencé avant le blog, hein, comme tout projet. En fait, c'était en 2012, pendant l'été, alors que j'étais sur mon terrain à faire une enquête. On a découvert avec Léa qu'il y avait un concours de bande dessinée à Lausanne, et puis moi, j'avais besoin de me vider un peu la tête en dehors de mon enquête. Et donc, voilà, la thématique, c'était première fois, donc j'ai tenté de faire une planche de sociologie en bande dessinée, donc que l'on retrouve sur le blog maintenant. Quelques mois plus tard, il y a eu les 24 heures de la bande dessinée à Angoulême, en 2013. J'ai retenté l'expérience, même si je n'ai pas réussi à faire les 24 planches dans les 24 heures données. Mais voilà, c'était le point de départ. On avait envie de faire de la sociologie dessinée, on avait envie de le faire ensemble, surtout que j'avais vraiment des grosses lacunes, encore plus qu'aujourd'hui en dessin. Mais voilà, c'était un projet un peu vague. Puis, on a en fait entendu des bruits de couloir que dans le milieu de l'édition, il y avait un projet qui était mené par Marion Montaigne de faire une bande dessinée qui s'appellerait Riche, pourquoi pas toi, qui effectivement est sortie en décembre 2013. Et très bêtement, on s'est dit, mince, notre idée de conjoindre sociologie et bande dessinée, elle va être prise, en plus par Marion Montaigne, qu'on ne présente plus. Et voilà, on s'est dit, mince, on a envie de montrer qu'on avait cette idée et qu'on avait déjà des choses dans les tiroirs. Donc c'est vrai que là, on s'est dit, bon, bah, la meilleure plateforme pour pouvoir poser ça quelque part, dire, voilà, on était là, c'était de faire un blog. Et c'était en août 2013, si je me rappelle bien. Oui, oui, c'est ça. Pardon. Oui. Non, vas-y. Oui, du coup, sur un peu la manière dont t'as commencé le blog, du coup, oui, on l'a lancé en août 2013. Et au final, on a eu une super bonne surprise au début, puisqu'on a commencé très vite à avoir pas mal de vues. Et en fait, un peu sans qu'on le veuille, il a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux. Notamment via le blog d'une doctorante qui s'appelle Vite Thésard. Et au final, ça nous a ramené un petit lectorat régulier. Et puis, ça nous a encouragé à continuer à poster régulièrement. Et puis, des fois, on a eu des notes où il y a eu énormément de retours. Donc, ça a fait plaisir. Par exemple, on avait fait une note en début 2014 pour la carte de vœux. Qui a été beaucoup relayé. Donc voilà, donc depuis on essaie de publier régulièrement. Après on doit un peu faire avec nos emplois du temps respectifs qui se remplissent de plus en plus par nos professions à nous deux et voilà. Ouais, ça me fait plaisir parce qu'au final, ce que vous dites, c'est que c'est bien d'avoir des communautés de blogueurs, de BD qui se... J'aime bien cette idée, moi. Ouais. Donc, c'est important. Alors, parmi les objectifs que vous êtes donnés sur le blog, vous parlez d'explorer les différentes formes de liens que peut avoir la sociologie et la bande dessinée. Vous en êtes où maintenant de cette exploration? Alors, au début, vraiment, l'objectif, c'était... l'objectif premier, c'était de vulgariser un peu sous différentes formes. Et ça, on est plutôt content. Donc, on a essayé des formes longues, des formes courtes. Mais voilà, c'était un peu ça, l'angle. Et puis, effectivement, on parlait de plusieurs formes de liens, mais c'était toujours dans un objectif de vulgarisation. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi tourner en dérision le milieu universitaire, donc avec des parodies, des anecdotes... que ça soit des grands auteurs de la sociologie ou même de l'université aujourd'hui. Mais en fait, finalement, la grosse découverte qu'on a faite, et peut-être là, l'endroit où on essaie d'explorer le plus en ce moment, c'est que la bande dessinée, ça peut vraiment être un outil sociologique à proprement parler, enfin vraiment un outil d'écriture, une écriture à part entière pour soit restituer les résultats, soit les diffuser plus largement. Et donc voilà, c'est plutôt dans cette direction qu'on va en ce moment, même si on garde les autres. Et pour un peu expliciter les avantages des uns ou des autres, là en ce moment, je suis en train de travailler sur un article pour justement expliciter les intérêts de ces différents liens qui existent. Ah, c'est parfait. D'accord, et ce sera un article qui sera publié sur le blog ou un article scientifique Un article scientifique, oui, qui est en cours d'évaluation par 15 000 revues. Donc, il y a des chances pour qu'il sorte en 2017. Si jamais il est accepté, hein, c'est toute la joie des publications scientifiques. Ça va beaucoup moins vite que les blogs. On en reparlera dans un instant justement de ça, mais donc tu l'as dit un instant, une partie des blogs s'attache à vulgariser la sociologie. Du coup, bah, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. La sociologie, qu'est-ce que c'est ? La question à 1000 euros. La sociologie, en fait, c'est surtout l'étude de la société sous toutes ses formes, en fait, de tout ce qui peut composer la société. Alors, bon, évidemment, là, dit comme ça, c'est un sujet super vaste et il y a d'ailleurs plein de manières de faire de la sociologie. Et en gros, on va s'intéresser donc selon la démarche, soit aux activités, aux normes, aux représentations dans la société, et on va s'intéresser soit plutôt aux individus, soit plutôt à des groupes, soit voire même dans certains cas à la société dans son ensemble. Donc finalement, un peu comme dans toutes les sciences, il y a des sujets très différents, il y a des focales très différentes, il y a même des unités de mesure très différentes. Donc certains vont s'intéresser aux acteurs, d'autres aux groupes, d'autres aux pratiques, d'autres aux représentations. Enfin, voilà, c'est une réponse pas du tout claire, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce que c'est. Je crois que j'ai des éléments de réflexion, mais en effet, il va falloir creuser un petit peu. On reviendra un petit peu sur cette idée, mais d'abord, en 2013, vous avez toqué à la porte de StripScience, et d'ailleurs, je vois que justement, il y a des gens qui commencent à se poser la question sur la chatroom. Vous avez toqué à la porte de StripScience, la communauté de blogueurs BD à tendance scientifique que j'ai fondée, et du coup, j'imagine que vous considérez que la sociologie est une science. Est-ce que c'est une affirmation qui est problématique ? Est-ce que les sociologues ont du mal à être considérés comme des scientifiques ? Ou au contraire, est-ce que la sociologie se revendique comme une discipline séparée des sciences ? Deuxième question à 1000 euros. en fait, alors je suis désolé, hein, je m'étais promis de ne pas le faire, mais c'est un réflexe qu'on a très souvent en sociologie, c'est cette phrase qui est... Alors en fait, la vraie question, c'est plutôt... La vraie question... En fait, que moi j'aurais envie de poser, c'est quoi une science ? Et effectivement, c'est tout l'objet des travaux en épistémologie. Et oui, alors les débats sont souvent plus forts sur la socio. Est-ce que c'est une science comme les autres ? Mais finalement, ce débat, il se retrouve dans toutes les sciences. Alors, pour moi, personnellement, oui, c'est une science parce que il y a une méthode il y a des méthodes qui existent avec des formes de démonstration, un contrôle sur les données, un contrôle par les pairs, etc. Alors effectivement, il y a certains sociologues qui affirment que ça devrait être une discipline à part. Je pense notamment à un sociologue qui insiste sur l'expérience et le recours à l'imaginaire pour comprendre la société, etc. Et que finalement, est-ce que ça devrait être une science ou plutôt on pourrait faire d'autres types d'enquêtes ? Finalement, ce genre de réflexion, moi, je trouve ça pas... très très intéressant, parce que si la sociologie n'est pas une science, alors c'est pas de la sociologie, c'est autre chose. Il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes pour parler de la société, les arts, la littérature, etc. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est autre chose. Donc pour moi, oui, la sociologie, c'est une science. C'est très clair, voilà. oui. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a la majorité des sociologues qui considèrent que la sociologie, c'est une science, mais il y a peut-être un ou deux qui ont envie de revendiquer une spécificité, mais en tout cas, c'est certainement pas ton cas. Exactement. Très bien résumé. dans le blog, vous parlez de sociologie, mais aussi particulièrement d'ethnographie. Qu'est-ce que c'est au juste ? Alors l'ethnographie, justement, tout à l'heure je parlais du fait que, enfin, je disais qu'il y avait plusieurs méthodes en sociologie. Bah voilà, l'ethnographie, c'en est une parmi d'autres. Donc dans les autres méthodes, on peut citer les entretiens, les statistiques, etc. Donc c'est des grandes familles et encore une fois, il y a plein de sous-catégories. D'une manière générale, pour définir l'ethnographie, c'est des observations longues et répétées d'un milieu ou d'une activité. Donc avec un enjeu qui est central, c'est réussir en tant qu'observateur à trouver sa place sur le terrain. Donc négocier sa place avec les acteurs qu'on observe, sachant que la manière dont on négocie la place, ça nous en apprend souvent énormément sur ce qu'on observe. Et voilà, avec des enjeux très forts sur, sur le, tout ce qui est l'inscription, donc la prise de notes, la retranscription des notes, leur analyse et l'écriture. Donc voilà, c'est des prises de notes sur, sur les populations qui nous entourent quand on regarde la définition mot à mot d'ethnographie. Ok, et donc toi tu as pratiqué ? Oui, c'est vraiment ma méthode centrale que j'ai découverte il y a quelques années et que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Que je ne vais peut-être pas développer, sinon je vais parler pendant une heure et demie et ce ne serait pas très intéressant. On détraque avec quelques petits aspects quand même. Est-ce que la méthode scientifique, celle qui est pratiquée dans pas mal de sciences, on va dire, dures, s'applique bien à la sociologie, ou est-ce qu'il y a des spécificités de cette discipline qui font que la méthode scientifique ne peut pas être complètement appliquée ? Alors, je vais éviter de faire la même réponse que tout à l'heure. Alors oui, il y a une méthode qui est scientifique. Enfin, il y a, comme je disais, des méthodes qui sont scientifiques, même si c'est quand même un peu différent de l'expérimentation en laboratoire, dans le sens où on va pas... Enfin si, d'ailleurs, on va faire des tests, mais je peux pas m'empêcher de penser à la sociologie des sciences et des techniques. J'évoquais l'épistémologie tout à l'heure. C'est finalement une science qui va essayer de dire qu'est-ce que c'est que la science et qu'est-ce qui n'en est pas... Qu'est-ce que c'est que cette science ? Alors qu'en fait, la sociologie des sciences et des techniques, c'est une démarche qui, elle, va plutôt essayer de comprendre comment la science se fait. Donc, ouais. Voilà, vraiment quelque chose de très descriptif pour essayer de, voilà, essayer de donner des éléments de compréhension. Et je pense notamment à un des grands sociologues des sciences, Bruno Latour, qui explique que la science, finalement, quelle que soit la discipline, c'est récolter des éléments matériels et transformer ces éléments matériels en données, des données qui vont permettre d'expliquer les choses. Donc ça peut être des éléments de réduction, d'abstraction, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il étudie bien ce mouvement qui est qu'on fait passer des éléments matériels, que ça soit de la terre que l'on ramasse ou des notes, des scènes que l'on observe, et on va les transformer en données. Donc on va faire des inscriptions, on va prendre un stylo, on va écrire quelque chose. Et c'est pour lui ce qui est au cœur de la démarche scientifique. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les sciences, par définition, et la sociologie, entre autres. D'accord, ouais, on en revient à une question que j'allais vous poser. Donc, il y a bien une sociologie du monde scientifique qui existe et qui a permis donc, d'éclairer des fonctionnements de ce milieu. Est-ce que ça a permis aussi de comprendre des dysfonctionnements ? Oui. Je reviens sur Bruno Latour. C'est difficile de ne pas le citer parce qu'il a vraiment participé au renouvellement de cette sociologie des sciences et des techniques. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire » avec Steve Woolgar, qui est brillant sur ce point-là parce qu'il montre bien comment la science se fait et quels sont tous les types de dysfonctionnements qui peuvent intervenir et en fait montrer à quel point, dans une démarche scientifique, il y a énormément de choses qui ne relèvent pas de la science. Ou quand on va publier un article, il y a énormément d'enjeux et qui, très souvent, n'ont rien de scientifique, finalement, sur les co-signatures, sur comment est-ce qu'on fait des économies dans le travail pour essayer de gagner du temps, etc. Donc voilà, ça montre bien le fonctionnement, évidemment, les dysfonctionnements. À mon avis, ça doit être très intéressant. J'avais vaguement entendu que ça existait. Et ouais, maintenant j'ai précisé les noms. Donc c'est Bruno, tu dis Bruno Latour. Et Steve Woolgar. D'accord, ok. On en mettra ça dans les notes de l'émission. Est-ce que, donc tu nous disais un peu plus tôt qu'il y avait des revues scientifiques de sociologie, puisque tu bosses dessus. Et ce sont des revues scientifiques de sociologie à comité de lecture, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que, comme la plupart des sciences du vivant ou même des sciences physiques, il faut valoriser ses recherches en publiant dans ces revues ou est-ce qu'il y a d'autres manières en sociologie de valoriser ses recherches ? Alors, c'est vrai que c'est le passage numéro un. C'est ces fameuses revues à comité de lecture et c'est central pour valoriser son travail. Après, c'est toujours un peu le même problème. C'est que ça prend énormément de temps à publier. En plus, ça s'adresse à des pairs, donc à des sociologues qui ont un langage particulier, qui ont des codes particuliers. Donc voilà, c'est un passage obligé si on veut pouvoir communiquer avec nos collègues, mais c'est souvent pas très accessible à un public plus large, y compris même dans des publics qui sont un peu initiés à la sociologie. Donc... comment dire, moi, j'ai vraiment ce parti pris qui est d'essayer de trouver d'autres niveaux d'écriture qui peuvent être accessibles à un plus grand public parce qu'effectivement, si les revues en sciences sociales, les revues de sociologie sont assez développées. C'est beaucoup moins le cas des revues qui permettraient de diffuser les résultats à un public un peu plus large. Très bien. Juste avant de passer un tout petit peu à des questions sur Léa, sur ce qu'elle pense de la sociologie, on peut faire peut-être un point sur les questions qui sont passées dans la chatroom. Irène, est-ce que tu aurais noté des questions ? Oui, je les ai notées. Bah, c'est parfait, merci. Alors, il y avait Robin qui nous demandait d'abord quel est le lien avec l'économie, qui est une discipline avec laquelle la sociologie est souvent reliée. Bah, pas énormément, en fait. Non, en fait, si, il y a des sociologies économiques où l'objectif, c'est vraiment de comprendre l'économie, mais d'un point de vue sociologique. Il y a des économistes qui mobilisent la sociologie. Je pense notamment à la théorie des conventions, qui a beaucoup travaillé en référence avec des travaux de sociologie autour d'un laboratoire qui n'existe plus, le GSPM, le groupe de sociologie politique et morale. Donc voilà, c'est des sciences qui arrivent à communiquer, qui ont souvent beaucoup de mal à le faire. Moi, le premier d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que je suis pas formé assez en économie pour pouvoir lire des articles scientifiques de ce niveau-là, mais voilà, je sais que des liens existent, je pourrais difficilement en parler, mais ça existe. D'accord. Ensuite, il y avait Brusicor qui nous a fait un commentaire, je dirais un peu sarcastique, donc c'est pas vraiment une question, je sais pas trop s'il y a lieu d'y répondre, mais il nous dit que donc la sociologie est une science parce que ceux qui la pratiquent considèrent que c'est une science. Bon, je ne sais pas si on veut commenter ça, mais... Non, c'est une bonne manière de voir les choses. Après, vraiment pour moi, le gros enjeu, ça va être de définir, mais c'est quoi une science, quoi. C'est plutôt selon la définition que l'on retient pour dire telle chose est une science, alors oui, la sociologie sera dedans ou non. Avec la définition que moi je retiens, je pense que oui. D'accord. Et toujours de Brusicor qui nous demandait comment la sociologie définit-elle ce qui est négligeable ou non dans une expérimentation. Sous-entendu, en fait, il y a Robin qui est un peu intervenu et qui a précisé en gros quel type de modèle on utilise. Et Brusicor qui disait oui, une approximation aussi si tu préfères. Faire une analyse exhaustive est impensable, j'imagine. Donc en fait, en gros, c'est encore une fois quelle simplification tu choisis, quelle approximation, qu'est-ce qui est négligeable, etc. Tu vois, en physique, typiquement, les physiciens vont regarder une vache, ils vont dire que c'est un cylindre. Donc comment vous gérez les outils de votre étude? C'est une excellente question qui mériterait des développements très longs. Je vais essayer d'être assez synthétique, mais c'est une question qui est extrêmement présente. C'est vraiment la question du déchet. C'est tout ce qu'on ne prend pas, quelle est son importance? Et moi, je vais répondre de ma posture d'ethnographe parce que c'est la méthode qui est centrale et que j'ai beaucoup travaillé. En ethnographie, quand on est sur le terrain, on a notre carnet de notes avec nous et on essaie de prendre en note tout ce qui se passe. Évidemment, comme ça a été dit, c'est impossible. Donc, dans tous les cas, on essaie de noter énormément de choses, même si ça nous paraît pas intéressant sur le moment. Donc voilà, déjà, il y a un premier niveau qui est cette écriture très large. Et en fait, quand on retourne dans le carnet de notes, qu'on relit nos notes, en fait, on va très souvent se rendre compte qu'il y a des choses qui nous manquent, il y a des éléments qu'on n'a pas vus. Et souvent, quand on va essayer d'expliquer les choses qu'on a vues, on va se dire « Ah oui, mais là, pour expliquer, en fait, il faudrait que j'ai tel élément, et tel élément, je ne l'ai pas dans mes notes. Est-ce que je ne l'ai pas vu ou est-ce qu'il n'existait pas ?» Dans tous les cas, ça veut dire qu'on n'y portait pas attention. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de faire une analyse de pourquoi est-ce que je n'y portais pas attention ? Pourquoi est-ce que ce n'était pas central ? Et justement, là, ça me permet de rebondir un peu en lien avec le blog. C'est quelque chose que le dessin, enfin, ou la bande dessinée peut particulièrement aider. Je vais donner un exemple très concret. Quand j'ai fait un terrain ethnographique à la gare du Nord où j'essayais de comprendre comment s'organiser un espace collectif, une des sorties de la gare du Nord. Et voilà, j'ai pris mes notes sur le terrain, etc. Et quand j'ai décidé de les transcrire en bande dessinée, à partir d'un moment dans mes retranscriptions, j'ai dessiné l'un des personnages que j'avais noté comme étant un grand personnage déguingandé avec une casquette bleue. Donc je me suis dit, bah non, j'ai travaillé j'ai fait mes planches en noir et blanc, mais là, c'est important qu'il ait une casquette bleue. En fait, rétrospectivement, ça m'a fait dire, mais pourquoi est-ce que c'était important pourquoi est-ce que j'ai noté qu'il avait une casquette bleue et pourquoi tout le reste de mes notes était en noir et blanc, finalement? Donc finalement, ça m'a permis de comprendre que le fait qu'il ait cette casquette bleue, que ça m'ait autant marqué, c'était pas du tout quelque chose de négligeable que je devais évacuer, mais c'était juste que ça avait influencé sur ma perception, pardon. Et en fait, c'était juste une manière aussi pour lui de se rendre repérable parce que c'était le dealer du coin et que, effectivement, grâce à cette casquette, il était excessivement visible. Voilà, c'est un exemple concret de quand on assume que de toute façon, on ne peut pas tout noter, on peut en faire un avantage. C'est-à-dire que si on a une réflexivité, qu'on revient sur ces éléments-là, ça peut nous apporter des suppléments de compréhension de ce qu'on essaye de ce qu'on a observé. Après, évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas vues et c'est pour ça que c'est important la communication entre chercheurs et que l'évaluation par les pairs est importante. C'est parce que deux sociologues qui sont sur un même terrain ne verront pas la même chose. Ça ne veut pas dire que l'un est mauvais et l'autre bon. Les deux peuvent être très très bons et ça va permettre une meilleure compréhension du monde. J'ai été très long finalement. Non, mais c'est super intéressant hein, parce que ça montre combien. C'est vrai que ça, à la fois, ça me paraît être une science et en même temps, c'est vachement subjectif. Quoi. C'est super intéressant en fait. Hein. Bah, en plus, je pense que je le reconnais. Ouais. Pardon, vas-y, Léa. C'est vrai que c'est quelque chose dont Pierre parle un peu justement dans ses travaux sur de l'intérêt de la bande dessinée, notamment pour les observations ethnographiques, c'est que ça assume aussi le fait que on peut pas montrer tout ce qu'il y a autour. On fait forcément un cadrage qui, lui, est effectivement subjectif et que du coup, au final, le support de la bande dessinée rend ce cadrage visible. Et ce qui peut ne pas forcément l'être dans des écrits où on peut avoir l'impression que voilà, c'est beaucoup plus ça recouvre beaucoup plus de choses, alors que non, il y a quand même un regard, celui du sociologue, celui de l'ethnographe qui observe. Et du coup, effectivement, la BD permet de rendre compte de ça de manière tout simplement claire. Sur le papier, il y a la case, il y a un cadre, on peut pas en dépasser. Et c'est vrai que ça a été, en tout cas, je pense pour Pierre, dans son travail, ça a aussi donné des éléments de réflexion sur le regard du sociologue, de l'ethnographe et de ce qu'on montre ou de ce qu'on ne montre pas. Très bien, Léa, j'en profite puisque tu as pris la parole pour continuer à te poser des questions. Toi qui es probablement un regard semi-extérieur, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un sociologue ? Tu peux en faire une description, mais aussi psychologique. Est-ce que c'est facile de discuter, interagir, vivre avec ? On peut nous-mêmes sur Podcast Science comparer un petit peu avec les conversations qu'on a avec des matheux sur Podcast Science. Et en effet, ce n'est pas toujours facile. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un sociologue ? Alors, à quoi ressemble un sociologue ? Alors, moi, je connais pas tous les sociologues, évidemment. Et ceux que je connais, c'est plutôt mes amis. Donc, non, en vrai, ceux que je connais sont en tout cas très sympas. Bon, ils ont juste un peu tendance à balancer des concepts et des références et des notes de bas de page dans des conversations qui n'ont rien à voir. Donc, mais je pense que c'est à peu près une déformation professionnelle qui se retrouve dans toutes les professions. Et des fois aussi, ça leur arrive d'analyser une situation alors qu'on est juste en train de boire une bière à une terrasse et qu'il ne se passe rien de spécial. Mais au final, c'est assez intéressant parce que justement, ça fait voir les choses d'un autre regard. Et après, au niveau de la discussion, moi je trouve ça, enfin voilà, je trouve que c'est des personnes assez accessibles dans la manière de discuter, même sur leur sujet, parce que c'est vrai que finalement les sujets, en tout cas de ceux que je connais, hein, ont des sujets qui sont assez proches de ce qu'on peut vivre au final, puisque effectivement ils observent des situations que tout le monde peut plus ou moins vivre et du coup c'est intéressant d'avoir un regard dessus. Par exemple, j'ai un ami qui travaille sur le personnel soignant et son rapport notamment aux patients, et une autre amie qui travaille sur les amitiés dans les échanges universitaires à l'étranger, etc. Donc effectivement, c'est des situations qu'on est potentiellement amené à connaître, et du coup ça fait tout de suite écho à notre propre vécu, et le fait d'avoir une analyse mise en perspective avec ces expériences là, ça devient tout de suite plus, je sais pas comment dire, plus accessible peut-être, je ne sais pas. Mais enfin bref, voilà, en tout cas les sociologues que je connais sont sont bien. sont gérables, pas, sont c'est pas gérables. Comme les matheux en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Allons bon. C'est parce que Romain n'a pas le micro, c'est pour ça que j'en profite. Moi je l'ai, hein, mais bon. J'ai de la sympathie pour la sociologie, vu que les gens disent que c'est pas une science comme les maths. Quoi. De toute façon, Romain, il est dans des considérations, essayer de compter les trous dans une vache, oui. Donc je pense qu'on l'a perdu. Donc Léa, toujours, est-ce que de ton côté, tu as fait de la sociologie durant ton parcours, ou tout simplement des sciences? Alors, non, pas du tout. En fait, d'un point de vue des sciences en général, à part des sciences humaines avec la philo et l'histoire au lycée, j'en ai pas trop fait vu que j'ai fait une filière littéraire. Donc, pour tout ce qui est sciences dites dures, ce sera sans moi. En revanche, je suis très contente, je suis très friande de blogs de vulgarisation en tout genre. Et puis, pour ce qui est de la sociologie, c'est justement en rencontrant les amis dont je parlais un peu plus tôt que ça m'a fait découvrir cette discipline. Et puis c'est spécifiquement du coup Pierre qui m'a initiée, notamment via le blog, ou alors en me faisant relire des travaux que je comprenais pas du tout au début, et avec grande explication à coup d'exemples un peu plus on va dire un peu plus accessibles pour moi. Ça m'a permis de m'y connaître un peu plus. Mais je reste quand même assez néophyte. Hein. Voilà. Et à tous les deux, est-ce que la sociologie altère ou a altéré de manière profonde votre manière d'envisager le monde? Bon, c'est vrai que quand je passe trop de temps avec Pierre, j'ai un peu tendance à faire des rapprochements sociologiques partout. Mais sinon, le reste du temps, ça va. Oui, moi je le viens un peu à temps plein, hein, la socio, donc c'est vrai qu'on a un peu toujours tendance à utiliser ça pour comprendre les choses. Après, c'est aussi une bonne manière des fois de mettre de la distance avec les choses qui nous entourent et puis de se réfugier derrière ça pour éviter de se prendre des choses plein la face quand c'est pas facile. Mais oui, moi ça a clairement changé ma manière d'envisager les choses, au point de me faire complètement changer d'orientation, donc oui, c'est très central. J'ai peut-être une question là qui m'est venue. La sociologie, donc on va dire l'objet de base, c'est l'humain. Est-ce qu'il y a des sociologies qui se font avec des groupes d'animaux qui vivent en société? Est-ce qu'il faut nécessairement une société ou un groupe pour pouvoir faire de la sociologie? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alors, il y a toute une partie de la sociologie qui s'intéresse justement à la place de l'humain et aux définitions de l'humanité. C'est des sociologies qui incitent à prendre en compte dans le travail d'enquête le rapport à toutes ces entités qui ne sont pas humaines. Je pense aux animaux, mais aussi aux objets. Donc, c'est des démarches scientifiques où, finalement, on essaye de ne pas réduire notre travail simplement aux interactions humaines, mais aussi intégrer les interactions avec des objets, avec des animaux, etc. Après, nous, notre intérêt, ça va être de comprendre comment est-ce que les animaux vont gérer cette relation avec les objets et les humains. Donc, par exemple, ça va être des travaux sur pourquoi est-ce que les professionnels de la photographie vont malmener leur appareil et le balancer sur la table, alors qu'un amateur, lui, va en prendre soin, va dire « oui, ça y est, j'ai commencé à le comprendre », etc. C'est des choses très... c'est ce genre de choses très concrètes. Il y a toujours, évidemment, une part d'individus derrière. Mais en tout cas, on essaye de plus en plus de prendre en compte d'autres entités que simplement les êtres humains. Mais il y a toujours un lien avec une entité humaine, ou est-ce qu'il y a de la sociologie qui se fait juste, je ne sais pas moi, la sociologie des insectes, au sein des insectes, la sociologie de groupes, je ne sais pas, de babouins ou des trucs comme ça, ça se fait ou pas? Alors, je crois que ça a été tenté. Je me demande, j'avoue là, comme ça, je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui existe. Il y a eu cette idée-là, d'ailleurs... Sur le fronton de mon université, il y a marqué, je ne sais plus, faculté des sciences, des êtres organisés. voilà, être organisé, en fait, ça fait référence aux hommes, mais pas seulement. Donc, effectivement, on pourrait tout à fait envisager des choses comme ça. Mais voilà, là, j'ai malheureusement pas de référence à signaler. C'est la honte pour un sociologue de ne pas avoir de référence à donner. Mon Dieu, je vais me faire bâcher à l'université. Tu ne seras pas le premier croire, scientifique. Hein. Le nombre de fois, moi, on me pose des trucs et moi, je ne sais absolument pas répondre sur des sujets basiques en biologie. Enfin, si on en était là, franchement. Exactement. Ouais. Alors, on avait juste une question, à mon avis, qui sera peut-être courte dans la chatroom. Est-ce que notre invité est latourien ? Alors, autre type de réponse qui fait très sociologue pour le coup, le premier Latour ou le deuxième Latour ? C'est un grand réflexe qu'on a en sociologie, c'est de diviser les auteurs en le premier, le deuxième, le troisième. Alors, par le château Latour, c'est là que vous parlez en fait. Je suis beaucoup plus château Latour. Non, effectivement, j'aime beaucoup donc, ce qu'on appelle un peu dans le milieu le premier Latour, c'est les travaux qu'il a fait dans les années 70-80, justement parce qu'il a beaucoup réfléchi à l'approche et il a intégré énormément de choses qu'on doit prendre en compte dans l'analyse. C'est un sociologue ? Oui, c'est un peu compliqué. Il a fait des travaux de sociologie à la base. On le classe plus souvent dans anthropologie ou philosophie des sciences. Il a beaucoup de casquettes, casquettes qu'il a multipliées au fur et à mesure des années, ce qui fait qu'il travaille sur beaucoup de choses avec beaucoup de démarches différentes et qui parfois se confondent. Justement, quand on venait sur la question est-ce que c'est de la science ou pas, des fois on est à même de se poser la question et lui-même des fois dit que non, des fois il est dans l'engagement. Donc voilà, non, je ne me revendiquerai pas latourien, mais c'est un auteur qu'il faut lire avec attention parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes dans ses écrits. Très bien, ok, je crois que ça doit être une réponse satisfaisante pour ceux qui connaissent les travaux de Latour. Moi, je... bon, voilà. Une partie des billets sur le blog narre la recherche qui est en train de se faire. Est-ce que c'est courant en sociologie, ce genre de pratique, des carnets de bord de recherche ? Est-ce que c'est votre quotidien de faire ce genre de choses, de pratique ? Alors, le carnet en soi, c'est vraiment central. Alors, mais en sociologie d'une part, mais surtout en ethnographie, comme je le disais, le but c'est de faire des observations longues, on ne sait pas forcément ce qu'on cherche au début, donc il faut noter un maximum de choses. Donc effectivement, le carnet est central. Et du coup, le fait de raconter l'enquête telle qu'on l'a vécue, elle est extrêmement importante parce que la manière dont on l'a vécue nous donne des éléments d'explication. Je vais donner des exemples. Quelqu'un qui voudrait travailler, j'évoquais les dealers tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait travailler sur les dealers, il va devoir passer plein d'étapes pour réussir à trouver sa place dans ce milieu-là. Et en fait, les différentes étapes qu'il va franchir vont être à peu près les mêmes que celles des dealers qu'il va observer. Et donc, comprendre la manière dont il rentre dans ce milieu, ça va être aussi comprendre ce milieu-là. Donc voilà, le carnet, il est extrêmement central. En ligne, en revanche, c'est des choses qui commencent tout juste à se développer. Il y a une plateforme, la plateforme hypothèse.org, qui est dédiée à ça ou qui invite les chercheurs à accentuer, à donner plus de visibilité sur leur carnet. À mon avis, c'est extrêmement important parce que justement, ça permet de donner au lecteur des éléments d'évaluation. Parce que si je retiens ma définition de la science, il faut que ça soit contrôlable, il faut que les lecteurs puissent dire « Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. » Donc voilà, moi, j'essaye d'en mettre le plus possible dans mes restitutions, que ce soit en bande dessinée ou dans mes rendus universitaires. Ça fait souvent des documents très longs, malheureusement. Mais voilà, j'espère que ça permet de mieux juger mon travail. Ouais, non, c'est bien. D'une certaine manière, les collègues sociologues doivent accueillir ce genre d'initiative de manière positive, j'imagine. Alors oui. En tout cas, ceux qui nous en ont parlé, enfin ceux qui m'en ont parlé, moi, c'était plutôt des retours positifs, oui, où on m'encourageait à continuer, ou juste ils trouvaient ça drôle, ça leur faisait du bien de pouvoir un peu rire avec la matière sur laquelle ils travaillent chaque jour. Voilà, mais en fait, je pense que c'est un peu biaisé parce que j'ai pas de retour négatif ou vraiment très peu, c'est sur des petits points. Donc je pense que les gens qui n'aiment pas ce genre d'initiative ou de démarche, tout simplement, ils me le disent pas. Donc c'est un peu biaisé. J'ai un peu l'impression que les gens trouvent ça très bien, mais tout le monde n'en me parle pas. Donc je ne sais pas. Là, c'est peut-être une question pour tous les deux. La sociologie, est-ce que c'est particulièrement propice à la vulgarisation dessinée ? Je pense pas en particulier. Après, c'est vrai que dans le cas de Pierre pour l'ethnographie, comme effectivement c'est, bah, c'est des observations, c'est vrai que c'est assez propice et ça donne envie en fait de les retranscrire, enfin dans les travaux de Pierre, comme il disait juste avant, il y a des longs passages de description, de scènes, etc. Des fois c'est hyper théâtral, c'est très drôle ou ce genre de choses, donc effectivement ça donne envie de les mettre en dessin. Après, pour ce qui est de la vulgarisation, je ne sais pas si c'est particulièrement propice. À mon avis, c'est aussi propice que n'importe quelle discipline. On va dire que plutôt, la bande dessinée est un super outil pour diffuser tous les savoirs, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ah oui, je suis totalement... Non, mais je suis totalement convaincu. Alors effectivement, je pense que la méthode, ça influe beaucoup. Il y a aussi les objets, forcément, notamment la sociologie du travail. Je trouve qu'elle est très, très, enfin, elle est très facile à adapter en bande dessinée. Mais oui, d'une manière générale, toutes les sciences devraient être adaptées en bande dessinée. Moi, j'ai une question liée à ça. C'est est-ce que les BD là que vous faites sur la sociologie, elles sont déjà apparues sur des publications scientifiques pour illustrer en fait ce qui était dit dans la publication? Dans des cas où on ne peut pas avoir de photos, par exemple, ou des choses comme ça? Alors, pas à ce point-là, dans le sens où j'ai des collègues qui m'ont effectivement évoqué l'idée de faire ça dans leur thèse, d'illustrer des éléments. Moi, c'est clairement un objectif à terme pour ma thèse. J'aurais envie qu'il y ait des extraits en bande dessinée. Non, la seule publication scientifique où il y a eu effectivement des extraits de nos dessins, c'était un livre qui sur Howard Baker, l'un des auteurs sur lequel on a fait une planche et qui intervient comme personnage régulier dans nos bandes dessinées. Et effectivement, la chercheuse en question trouvait ça intéressant, en tout cas la manière dont on le présentait, et nous a demandé si elle pouvait le mettre dans son livre. On vous donnerait bien le titre, mais le titre est en allemand, alors je vais éviter de mal le prononcer. Donc c'est un livre, en gros, la traduction, c'est sur l'actualité de Howard Baker, un livre qui est écrit par Dagmar Danko. Voilà, mais sinon, pas grand-chose de plus pour le moment. Mais d'accord. Ça va. On va retrouver ça. Justement, là, on peut même passer sur une autre question que j'avais un tout petit peu en follow-up de ça. C'est qu'il y a quelques temps, il y a un gars qui s'appelle Nick Soussanis, un thésard de l'Université de Columbia, qui a rendu un manuscrit de thèse sous la forme d'un roman graphique. Donc là, tu viens de nous annoncer que tu aurais envie de faire la même chose, en gros. Ah oui, j'aimerais vraiment faire la même chose. Alors, j'aimerais bien lire cette thèse. Elle est en train d'être traduite, là. Elle va être publiée en France d'ici quelques mois. Donc, on pourra tous la lire. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou en tout cas qui ont du mal à trouver les publications à les faire venir. Donc, oui, moi, c'est clairement l'objectif. Après, à la différence de ce monsieur, c'est que moi, je ne pourrais pas faire toute la thèse en bande dessinée parce que j'ai pas son aisance graphique. Donc ça sera, je pense, plutôt l'introduction des chapitres pour montrer que la bande dessinée a un intérêt et retranscrire finalement les scènes que j'ai observées les plus marquantes et après partir sur le chapitre pour donner des éléments de compréhension et d'explication de ces scènes-là. J'aimerais bien vraiment faire toute ma thèse en bande dessinée, mais déjà que les thèses en sociologie sont très longues, si je veux espérer pouvoir finir un jour, je pense qu'il va falloir que je fasse qu'une partie. Mais du coup, tu vas demander de l'aide à Léa. Est-ce que tu mettrais la main à la pâte, Léa? Oui. Non, c'est quelque chose de récurrent avec Pierre. Pierre s'engage à faire des planches à foison et il vient toujours me tapoter sur l'épaule pour me dire « Léa, tu veux pas m'aider parce que je dois faire 12 planches pour demain ?» Donc, voilà. Donc, oui, si jamais il me demande, évidemment... Je viens de foutre la merde, en fait. Ouais, j'ai l'impression que Pierre t'a mis les pieds dans le plat, là. Moi, toujours, hein, ouais, c'est ça. C'est un art. Non, mais c'est sûr que c'est... Oui, je pourrais complètement mettre la main à la pâte s'il le faut. D'autant plus que je pense qu'avoir de la bande dessinée dans une thèse pourrait lui ajouter quand même une sacrée valeur et peut-être justement un peu plus de lecteurs que ce qui est espéré à l'origine. Mais... Mais oui, si, s'il le faut, je le ferai. Je l'engage. Ça y est, c'est enregistré. Tu vas me le ressortir. Bon, on peut éditer hein, si tu si t'as des regrets. Merci pour cette question. J'utiliserai l'enregistrement à bon escient. Du coup, je me pose des questions. Est-ce que du côté des illustrateurs, ça plaît ce genre d'initiative de tes collègues? Alors, en fait. Pour l'instant, on a surtout des lecteurs, si ce n'est pas sociologues au moins, qui aiment ou qui lisent de la sociologie. Donc, on a surtout des initiés du côté de la socio. Quand on a lancé le blog, c'était notre premier objectif, en fait, quand on a vu que ça commençait à être diffusé, c'était notre objectif de voir comment ça allait être perçu dans l'université, etc. Donc, pour nous, là, cet objectif est atteint et justement au-delà de nos espérances au début. Après, c'est vrai que du côté de la bande dessinée, enfin des illustrateurs, mais surtout plus particulièrement de la bande dessinée là, Nos bandes dessinées sont quand même moins fun et sexy qu'un public qui serait habitué à de la fiction ou à de la BD de divertissement, etc. Mais on commence doucement quand même à avoir des retours de professionnels du dessin, notamment par le fait que avec la sortie de ma bande dessinée, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup plus d'auteurs et du coup, bah, nécessairement en parler avec eux, etc. Donc pour l'instant, oui, c'est bien reçu. Après, c'est vrai que ça reste des bandes dessinées assez bavardes, etc. Donc il y a toujours ce petit côté là qui ressort, mais en tout cas, pour l'instant, les retours sont très encourageants. Et du coup, vous avez des projets extérieurs au blog où vous parlez de sociologie, les 24 heures ou 23 heures de la BD, par exemple. Donc, c'est 24 pages que vous faites en 24 heures ou 23, je ne sais pas comment ça se passe pour les 23 heures de la BD. Est-ce que ceux-là, ils ont été accueillis de manière différente que ce que vous faites sur votre propre blog ? Pas vraiment. Ça a été quand même beaucoup... beaucoup accueilli par déjà le public d'initié à la sociologie qu'on peut avoir sur le blog, donc ça a été surtout accueilli par eux. Voilà, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'on a les retours qu'on a généralement, c'est les gens qui sont très enthousiastes, etc. Donc on a rarement des retours de non-initiés. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir comment c'est perçu. C'est un peu le problème avec, je pense, tout travail qui est diffusé par blog ou même par papier, c'est que malheureusement, on n'est pas là pour voir leur réaction quand ils lisent l'article ou la bande dessinée. Donc malheureusement, on ne sait pas trop. Bah moi, je peux vous le dire. Hein, moi, je trouve ça vachement bien et très drôle. merci beaucoup. Moi, ça me fait penser... moi, j'adore aussi, et je ne sais pas si c'est relevant de le dire maintenant, mais je trouve qu'on trouve de plus en plus de BD qui sont informatives, comme ça. Je viens d'en lire une sur les grands philosophes. Il y en a pas mal aussi sur l'économie. Et je trouve que c'est un format qui est vraiment super intéressant, je trouve. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et je trouve ça vraiment super, moi. Merci. Je crois qu'il y a une niche qui s'est créée. Ouais. Oui, c'est vraiment un sujet qui se développe beaucoup, voire même qui est peut-être un peu à la mode en ce moment. Pour donner quelques noms, pour ceux qui ne verraient pas, il y a une collection qui est la petite BDTech des savoirs, éditée au Lombard, qui vient de lancer ses premières bandes dessinées la semaine dernière, vendredi, il me semble. Donc, qui est vraiment sur ce créneau-là. À Casterman, il y a la collection Sociorama, qui a vraiment pour but de faire de la sociologie en bande dessinée aussi. Voilà, il y a beaucoup de démarches qui essayent de mettre en lien des chercheurs et des auteurs de bande dessinée, avec des démarches un peu différentes les unes des autres, mais dans tous les cas, c'est vraiment passionnant et il y a vraiment des choses de qualité maintenant qui sortent. Mais c'est vrai que même du côté de la bande dessinée, ça se développe beaucoup. Je parlais tout à l'heure des BD un peu bavardes. C'est vrai que bon, maintenant, vu la diversité des sorties annuelles des bandes dessinées, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et justement, ce genre de bande dessinée qui est faite pour apprendre devient vraiment importante. Et notamment tout ce qui est entre guillemets BD du réel sur les reportages en bande dessinée, l'actualité en bande dessinée, ça se développe vraiment énormément depuis quelques années. Notamment, ça fait 2-3 ans qu'il y a une revue qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est vraiment une super revue là-dessus, qui traite des sujets bon, plus ou moins d'actualité, mais dans tous les cas, ça va être soit du reportage, soit quelquefois de la vulgarisation, et qui du coup voilà, donne à la bande dessinée non seulement une place graphique, mais aussi profite un petit peu de son aspect peut-être un peu plus accessible pour diffuser beaucoup plus de choses que juste de la fiction ou juste du divertissement, etc. D'ailleurs, petit point promo, je me permets, ils sont en train de lancer une campagne Ulule pour lancer exactement le même projet pour un public plus adolescent qui promet d'être passionnant. Donc, ça sera la revue Topo avec un O cette fois, pas AU, Topo. Je vous invite à voir. Ils font vraiment des choses incroyables. Ouais. Désolé pour la petite pub copinage. Non, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, justement, là vous avez parlé d'associations auteurs BD, etc. Et de la diffusion d'une certaine manière, d'une vulgarisation. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres pratiques là, qui se font récemment. Il y a par exemple Tiffaine Rivière qui a sorti ses carnets de thèse, une BD dans laquelle elle raconte les déboires presque autobiographiques d'une jeune doctorante. Il y a, bah, bien entendu, vous connaissez le travail de Marianne Blachard, on en a parlé tout à l'heure, qui tient le blog Vite Thésard, enfin qui tenait le blog Vite Thésard. Est-ce que vous pensez que ces témoignages sont importants? Est-ce que ça fait partie des objectifs d'Émile en bande? Alors, ce n'est pas l'un des objectifs premiers, mais oui, c'est important parce que ça permet d'attirer l'attention sur ce métier qui entretient beaucoup de fantasmes sur ce que c'est, sur ce que ça devrait être, etc. Donc oui, c'est vraiment important. Alors, on travaille, oui, sur un projet qui est tiré de l'expérience de master, donc les notes qui ont été évoquées plus tôt dans le cadre des 24 heures. Là, l'idée, ce serait peut-être de filer un petit peu ça, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de parler de sociaux et pas de nous. Donc voilà, effectivement, ça, les notes autobiographiques, sur le blog, il y en a, c'est un exercice qui est intéressant, ça nous permet d'exorciser des choses, de partager des expériences. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de parler de la socio avant tout. Super, on a un petit peu tourné autour du pot, mais on va peut-être y aller directement. Pierre, on va parler un petit peu de ton sujet de thèse. Quel est-il? Comment vas-tu travailler dessus? Est-ce que ça va? Ça va. Une très bonne question. En ce moment, ça va. Je travaille sur les... Alors, c'est un sujet qui est très mouvant, donc c'est un peu compliqué, comme toujours, les sujets de thèse. Donc, pour le dire très vite, je travaille sur les auteurs de bandes dessinées et notamment toutes leurs tentatives pour construire un groupe professionnel, parce que être auteur de bande dessinée, c'est pas une catégorie juridique, il n'y a pas de case à l'administration qui correspond à auteur de bande dessinée, et quand ils ont des revendications, il faut qu'ils réussissent quand même à exister en tant que groupe pour être écoutés. Et donc voilà, moi j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que des fois ils arrivent à se réunir en groupe, pourquoi des fois ils n'y arrivent pas. Et voilà, ça me permet de comprendre un peu tous ces métiers de la création, comment est-ce qu'ils s'organisent et comment est-ce qu'ils peuvent se réunir pour revendiquer des choses ensemble. Donc, qui me permet aussi de voir des auteurs de bandes dessinées au quotidien, de leur coller au train et de découvrir qu'est-ce que c'est que leur métier. Donc parce que la méthode, c'est celle de l'ethnographie que j'évoquais avant. Donc je les suis sur des longues périodes. Donc je suis les engagements, les mouvements syndicaux, les associations, etc. Mais j'ai aussi envie de voir au quotidien vraiment qu'est-ce que c'est. Donc je vais dans leurs ateliers, je les regarde dessiner et voilà. Yes. En entendant ton sujet qui est fort intéressant, je me disais, mais à long terme, est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est le fait d'étudier ce groupe de gens? Est-ce que le but ultime du jeu ou à long terme, c'est vraiment de les aider finalement? Parce que tu disais, c'est pas facile, etc. Mais il a intérêt en tout cas. Voilà, c'est donnant-donnant, hein, notre relation. Donc, alors de toute façon, à mon avis, c'est l'avantage de la sociologie, c'est que c'est une science, on y revient toujours, qui a une perspective critique plus ou moins affirmée et plus ou moins assumée. Dans mon cas, elle est effectivement présente, c'est juste que je la fais dans un second temps, c'est-à-dire que je fais mon travail de recherche, je décris ce qui se passe, ça me permet de comprendre un peu les situations. Et à partir de cette compréhension, j'essaie d'expliquer des processus sociaux plus larges. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a compris et expliqué comment ça se passe, bah, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour critiquer, pour essayer de faire changer les choses. Moi, je suis dans une école de sociologie où on estime que les individus, les acteurs, nos enquêtés, ils sont très compétents et beaucoup plus forts qu'on ne pourrait l'être parce qu'ils connaissent très bien leur milieu. Ils n'ont juste pas forcément le temps de s'arrêter pour comprendre et expliquer comment ça se passe. Donc voilà, moi, l'objectif à terme, c'est juste de leur livrer des outils. Alors j'espère que ces outils les aideront vraiment, que ça leur sera utile. C'est pas forcément sûr que ça leur fasse plaisir, hein, parce que c'est les résultats d'une recherche, donc voilà. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif à terme. Mais je trouve que plus, c'est intéressant. Oui, pardon. En plus, Léa, en ce moment... Enfin, Pierre est un peu arrivé au bon moment avec le début de sa thèse, où justement les auteurs de bande dessinée se sont un peu révoltés sur une réforme du régime de retraite et tout ça. Et en fait, ils se sont rendus compte justement que il y avait aucune donnée sur leur profession. Et du coup, ils sont en train d'essayer de produire un maximum de données pour eux-mêmes. S'en saisir pour mener à bien leurs revendications. Et parce que voilà, on parle souvent du fait que les auteurs, bah, ils galèrent et que c'est pas évident et que bah, en même temps, c'est leur passion. Donc hein, voilà. Enfin bref, du coup, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais au final, il n'y a rien de vraiment explicite. Et donc voilà, ils produisent beaucoup de statistiques en ce moment, mais le genre d'études que mène Pierre, justement, pourra être complètement... on va dire, réinvesti par les auteurs, je pense. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que potentiellement, Léa, tu aurais influencé le sujet de thèse de Pierre. Mais moi, mais pas du tout. C'est faux, objection. Non, c'est, enfin, on va dire que je ne l'ai pas influencé directement. C'est plutôt, voilà, avec Pierre, on avait cette passion commune. Pierre s'est orienté plutôt vers la sociologie, mais il est revenu par la suite. Donc, disons que je l'ai influencé parce que y a un moment donné, j'ai eu un mois avant, j'ai fait du cinéma d'animation et à un moment donné, je suis revenue très fortement vers la bande dessinée et voilà, ça l'a peut-être influencé là-dessus parce que je devais parler de bande dessinée tout le temps et ça devait être un peu lourd, donc peut-être qu'il s'est dit que ce serait plus facile comme ça, je sais pas. Ça me permet de rebondir. Je vois passer une question dans la chatroom qui est extrêmement pertinente là-dessus. C'est est-ce que le fait de dessiner et de faire une thèse de sociologie sur les auteurs de bande dessinée, est-ce que ça peut créer un biais dans l'analyse? Alors, évidemment, oui. Mais en fait, ce qui est génial avec la sociologie, c'est que tout crée des biais. Et l'idée, c'est surtout d'en être conscient pour pouvoir, non pas s'en affranchir totalement, mais en tout cas essayer de s'en décaler. Donc voilà, effectivement, il y a une très grosse littérature en sociologie sur est-ce qu'il faut être proche des enquêtés ou au contraire être très différent d'eux pour mieux les comprendre. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. mais voilà, à partir du moment où on est conscient de ça, il faut réussir à en tirer un avantage. Pour moi, le gros avantage que j'ai, donc effectivement, il y a ce gros inconvénient de je suis impliqué, on peut me reprocher de ne pas être neutre, etc. C'est vrai, j'essaye de prendre ça en compte dans mes analyses. Je redouble de prudence, donc c'est déjà un avantage. Un deuxième avantage, c'est que la pratique du dessin me donne quand même certaines compétences techniques qui sont extrêmement nécessaires pour juste comprendre qu'est-ce que c'est que le métier. Tout simplement, quand je regarde des auteurs de bande dessinée dessiner sur une tablette graphique, voir comment ils travaillent, honnêtement, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien ne comprendrait juste pas ce qu'il fait, à part quelqu'un qui tape sur un ordinateur avec un petit bout de bois. Non, ça a l'air très bête comme ça, mais techniquement, le fait de savoir de quoi il parle, c'est quelque chose qui est très central, et le fait de pouvoir leur montrer que je sais de quoi il parle, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Le tout, c'est d'en être conscient et de réussir à prendre ça en compte. Oui, et puis j'ai envie de dire, j'ai l'impression peut-être que pour la sociologie, on est peut-être plus à même, enfin à même, en tout cas à guetter les biais comme ça, mais on se poserait peut-être moins de questions pour un cancérologue qui serait impliqué parce que, je sais pas, moi, sa femme ou son partenaire a un cancer, etc., et qui pourrait biaiser d'une certaine manière ses études parce qu'il a envie de trouver une solution, quoi. Donc, ouais, bon. Ah, c'est un super exemple, ça. Je vais le réutiliser. Mais c'est un biais, hein. c'est quelque chose qu'il faut être conscient. est-ce qu'il y avait d'autres questions à part celles que tu fais remonter spontanément de la chatroom ? Irène, est-ce que tu en as vu ? Il y avait Puyo effectivement qui continuait et qui nous dit « Du coup, je me demandais s'il n'est pas nécessaire d'étudier les éditeurs également pour avoir une meilleure compréhension. » Et oui. Oui, en fait, c'est un principe méthodologique qu'on a, en tout cas dans mon école, c'est le principe de symétrie. C'est que si on veut comprendre une chose, c'est qu'il faut comprendre cette chose, mais aussi son inverse. Parce que s'il y a exactement l'inverse, c'est que, il faut l'expliquer par le même phénomène. Donc, effectivement, les éditeurs, j'essaye de les faire entrer dans mon analyse, ne serait-ce que parce que l'angle que j'évoquais, c'était les mobilisations. Il s'avère que les éditeurs aussi se mobilisent. Il y a un syndicat, le syndicat national de l'édition ou des éditeurs. Donc voilà, j'essaye au maximum de symétriser mon approche. Après, il y a aussi une difficulté qui est que je suis financé pour 3 ans et que j'en suis déjà à 1 an et demi. Voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir faire une sociologie des éditeurs aussi poussée. Malheureusement, ça sera peut-être moins développé. Mais effectivement, sur le papier, oui, il faut s'y maîtriser. Oui, et même les libraires. Enfin, au final, pourquoi pas faire toute la chaîne du livre ? Ce serait assez intéressant. Ah, ça serait utile en tout cas. Peut-être le lectorat pour foutre la merde. Oui. Le lectorat, ça a été pas mal travaillé pour le coup en sociologie. C'est bien l'un des seuls aspects en sociologie qui a parlé de la bande dessinée. Je sais pas trop pourquoi, mais. Ah d'accord. Oh, bah, très bien. Il y a des gens dans la chatroom qui suggéraient de faire une étude sur FIP des éditions Lapin en vous souhaitant bon courage. on va peut-être passer à d'autres choses. J'ai l'impression que aussi sur votre blog et sur votre activité sur les réseaux sociaux, vous essayez de rassembler une communauté de chercheurs, d'étudiants, d'amateurs de sociologie. Est-ce que je me trompe ? Bah, on n'a pas fait exprès, en fait. au final, on a plutôt été accueillis dans cette communauté qui préexistait déjà. Donc, on s'est retrouvés un peu dedans par hasard. On la connaissait pas, notamment parce qu'on n'était pas très actif sur Internet avant la création du blog, mais on est bien content. C'était une super surprise en tout cas. Bah, du coup, franchement, vous êtes bien rattrapé parce que j'ai vu que vous aviez organisé régulièrement des jeux, genre vous aviez créé un jeu qui s'appelait hashtag Dessine-moi un sociologue, dans lequel vous interagissiez sur Twitter, ou encore là, récemment le calendrier de l'avant de la sociologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets-là? Oui, alors en fait c'est surtout du divertissement pour nous ce genre de choses, c'est-à-dire que à la base Dessine-moi un sociologue, la première fois que je l'ai lancé c'était vraiment parce que je m'ennuyais, je sais pas, j'ai fait un crowbar dans un coin où il y avait un chercheur et puis je me suis dit tiens, est-ce qu'il est reconnaissable ou pas, ou est-ce que j'ai foiré mon dessin? Et du coup voilà, c'était un peu la blague sur Twitter, est-ce que vous le reconnaissez, et ça a bien marché. Donc voilà, puis ça donne des petits rendez-vous. Donc oui, effectivement, on se retrouve un peu à faire de l'animation du community manager. Mais voilà, c'est surtout de l'amusement pour le calendrier de l'avant de la sociologie. Là, ça venait dans l'autre sens. C'était un chercheur sur Twitter qui proposait que pendant toute la période d'un calendrier de l'avant, on propose une référence par jour pour faire découvrir un ouvrage de sociologie. Et voilà, on a décidé, chiche, on le fait. Donc, évidemment, vu que c'est sur Twitter, ça s'est organisé la veille pour le lendemain. On ne s'est pas rendu compte que ça allait nous prendre pas mal de temps, mais voilà, l'expérience était vraiment super. Enfin, nous, on s'est beaucoup amusés à faire des petits gags en une image. Ça permettait de changer un peu nos habitudes. Mais voilà, c'est des petits à côté qui nous font plaisir et aussi qui permettent de créer un peu de l'échange justement, on évoquait le fait d'avoir un peu du mal à avoir des retours. Là, ça fait du bien quand on se dit « Ouais, ça a été retweeté tant de fois. Ça fait du bien. On a besoin de ça aussi. » Mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu les dessinateurs de cette petite communauté-là. Donc, il arrive régulièrement que justement, on nous tague dans des tweets pour nous lancer un défi, dessiner, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'avait été créé un personnage, le personnage de Goffman, qui est un auteur américain, un sociologue américain, et qui donc, qu'on a dessiné, détourné en super-héros ou ce genre de choses. Donc, oui, ça arrive régulièrement qu'on soit aussi provoqué là-dessus, quoi. Parfait. Bon, bah, alors. Passons un tout petit peu, hein. J'ai l'impression que la chatroom est un petit peu en quête de polémique, donc allons-y, parlons un tout petit peu de politique. Sur votre blog, ça vous arrive de parler de politique d'ailleurs, vous en avez parlé dans un billet de réaction à certaines interventions de Manuel Valls au sujet de la sociologie comme fournissant des excuses à des actes terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez réagi justement à ces interventions-là? Pas bien. d'où la note. Bah, disons que à l'origine, on voulait pas trop faire de politique sur le blog. Un peu pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure sur moi, ma vision de la place de la critique en sociologie, c'est quelque chose qui intervient plus tard quand on a bien compris les choses et bien travaillé sur le sujet. Donc, faire des critiques sur des éléments que je maîtrise pas, je me sens pas du tout capable. Par exemple, on avait été contacté lors des débats sur le mariage pour tous, sur voilà, vous devriez faire une note bien sentie sur le gender, etc. C'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est juste qu'on n'est pas forcément compétent sur les questions d'actualité et que bah du coup on n'ose pas trop se lancer. Mais ce que disait Manuel Valls, ça remettait en cause la sociologie dans son ensemble. Donc moi en l'occurrence ma profession, donc voilà, j'étais très énervé. Donc je me suis, enfin surtout que c'est quelque chose qui était récurrent depuis quelques mois, donc voilà, je me suis permis de, pour une fois, de pousser un petit coup de gueule, mais c'est pas quelque chose qui, peut-être malheureusement, mais qui en tout cas nous dans notre démarche est pas très présent. Et est-ce qu'il y a souvent ce genre de réaction de base, genre la sociologie c'est de la merde, du sociologie bashing? Est-ce que c'est genre constant ou est-ce qu'il y a une recrudescence depuis cette intervention? Alors, pas depuis cette intervention, il y a une recrudescence depuis quelques mois à l'échelle nationale. Hein, y a un chercheur qui a fait un livre qui s'appelle « La culture de l'excuse ». Je cherche son nom, malheureusement, ça m'échappe. Je vais vraiment passer un sale quart d'heure en rentrant au laboratoire demain. Mais voilà, qui montre bien que c'est quelque chose qui se développe en ce moment. Après, nous, directement, on n'est pas impacté. On n'est pas assez gros, entre guillemets, pour avoir ce type de retour, nous, sur notre pratique. Personne ne viendra taper à notre Twitter pour dire « la sociologie, c'est nul, votre travail, ça vaut rien ». Mais effectivement, malheureusement, c'est une manière de voir les choses qui se développe de plus en plus en ce moment dans les débats. Bernard Lahire, le chercheur en question, c'est son dernier ouvrage publié à La Découverte. Il faut dire que ce qui est très lié à ça, c'est que en fait, l'image qu'on a de la sociologie, j'ai presque envie de dire quasiment comme l'image un peu qu'on a de l'économie en grande partie, c'est des sociologues entre très grands guillemets médiatiques en fait. C'est-à-dire des personnages qu'on voit à la télé qui présentent de la sociologie ou de la pseudo-sociologie. À vrai dire, en fait, moi, quand je les entends, je suis incapable de juger. Mais toujours est-il que c'est quasiment la seule présence de sociologie qu'on a, sauf si on va lire des blogs comme le vôtre ou des livres, quoi. Oui, après, c'est vrai qu'on a clairement notre part de responsabilité dans l'affaire. Hein. C'est, si on savait intéresser mieux le public et mieux lui parler, il y aurait sans doute moins cet effet-là. Heureusement, ça se développe, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Bah justement, en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les sociologues maintenant qui se sont emparés un tout petit peu de cette idée-là. Récemment, il y a un vidéaste, Usul, qui a réalisé une vidéo en réaction aux mêmes interventions de Valls, intitulée « La pensée 68, sociologie et culture de l'excuse ». Du coup, lui qui n'est pas sociologue, est-ce qu'il a fait un bon boulot? Est-ce que vous l'avez vu déjà? Et est-ce que vous considérez qu'il dépeint une sociologie de manière juste? Oui, on l'a vu. Alors, nous deux, on a trouvé ça déjà très agréable que Usul, qui a autant de notoriété sur YouTube, parle de sociologie. Ça faisait plaisir. Et puis, après, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bien faite, très claire, bien réalisée. C'était vraiment très pro. Et puis pour une néophyte comme moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne introduction à la sociologie, à ces problématiques, etc. Et à la manière dont ça pouvait être perçu. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. J'espère que ça a été le cas de manière plus générale. Et d'autant plus qu'il montre un aspect que je trouve très chouette, c'est que justement il montre l'intérêt pratique que la sociologie peut avoir dans des prises de décisions politiques notamment. Et bon, là, en l'occurrence, il montrait plutôt comment la sociologie n'avait pas été utilisée pour des décisions politiques. Mais enfin bref, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Après, Pierre, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bah, alors, moi, sur la forme, je trouve ça vraiment nickel. Enfin, c'est super bien réalisé, vraiment. Ça donne envie. Enfin, on accroche de bout en bout, même si la vidéo est longue. Enfin, on n'en décroche pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas décroché. Alors, sur le fond, il y aura peut-être quelques raccourcis. Alors, notamment dans le titre, La pensée 68, c'est très discuté. Le fait qu'il y aurait une pensée 68, enfin... Ben voilà, il y a quelques raccourcis, mais c'est normal, c'est son objectif, c'est de faire découvrir ces sciences sociales, et l'objectif est rempli, donc c'est super, moi j'ai été ravi de voir ça, et j'ai hâte de voir la suite. Super, Irène, est-ce que tu as noté qu'il y avait des questions? J'ai cru en avoir vu quelques-unes. Oui. Il n'y en a pas énormément, mais oui, Puyo nous demandait, il se demandait... Pardon. Celle-là, on l'a déjà posée. C'était Gépif qui nous demandait à quoi ressemble un laboratoire de sociologie. Concrètement, c'est des bureaux avec des ordinateurs, des salles de réunion et des gens qui se plaignent qu'on n'a pas assez de place dans les bureaux. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est très banal au final. Oui, c'est très décevant. Et une question de Gépif aussi... je vais la lire littéralement. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un peu comme les économistes, on ne voit que des gens qui n'ont pas de démarche hyper scientifique? Oui, dans l'idée générale, c'est ça. Alors, peut-être pas aussi strictement. Il y en a quand même quelques-uns qui passent entre les mailles des filets. Hein. Mais oui, sans doute que parmi les plus populaires, c'est ceux qui ont des démarches moins solides, quoi. Qui peuvent parler très rapidement des événements qui se passent la veille. Il y a des chances pour que ça soit pas très solide. Ça peut arriver, hein. Il y en a qui font du très très bon travail. D'accord. Je sais pas si non. Non, je me risquerai pas. Pardon, pour le moment, oui, c'est tout ce qu'on a comme question. Très bien. Du coup, on va probablement finir l'interview. Alors moi, je suis un petit peu embarrassé. J'ai mon chat qui est sur mes genoux. Donc si vous entendez des miaulements, ce n'est pas moi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité, de vos projets sur le court et long terme? J'imagine que sur le moyen terme, on va dire, Pierre, toi, c'est de finir ta thèse. Mais sinon, à part ça... Sur le court et long terme, moyen terme, tous les termes, là, pour l'instant, c'est la thèse pour moi. D'accord. Pardon. Moi, je travaille sur de nouveaux projets de bande dessinée et d'illustration personnelle. Mais après, tous les deux, on travaille toujours sur de nouvelles notes pour le blog. Et puis c'est vrai que ça revient très souvent dans notre esprit de monter un projet plus long. Plus conséquent pour une éventuelle publication papier. Donc pour l'instant, rien de déterminé, mais en tout cas, c'est un projet qui est très présent. Super, ouais, on a hâte de voir ça. Alors, Pierre, à long terme, après ta thèse, tu veux faire quoi en fait, hein? Alors, dans l'idéal, ça serait postuler au poste soit de chargé de recherche au CNRS, soit d'enseignant-chercheur à l'université. Après, j'ai bien conscience que c'est des postes qui sont très demandés, où il y a une très grosse concurrence au recrutement. Mais bon, je ne perds pas espoir. Et puis, si ça ne marche pas, on verra. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de rester à l'université. Mmh, d'accord. Pour le moment. Oui, ça marche, hein. Ça peut marcher. Oui, ça marche. Il faut dire que ça marche parce qu'on ne nous dit pas la même chose, nous. Non, je crois qu'il faut surtout être persistant et pas écouter ce qu'on te dit, en fait. Hein. Ouais. Ah, pas mal, oui. Il faut aussi avoir le cul bordé de nouilles, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça peut arriver, hein, aussi. Alors, je copie une habitude de Jean-Michel Brassard du podcast Scepticisme Scientifique. C'est une habitude, je pense, très utile. Je vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez bien qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée? C'est une bonne question. Oui, on y avait un peu réfléchi, du coup. Et avec Pierre, je pense qu'on est tombé d'accord sur peut-être la question... est-ce que ça a été utile à quelqu'un d'avoir fait ce blog? Est-ce que ça a servi concrètement? Voilà. Donc, j'imagine qu'on doit y répondre après. Ah bah, je peux répondre pour vous si vous voulez. Mais... oui, on a eu le bonheur d'avoir quelques expériences sur le fait que ça a été utile. Je te laisse développer. je développe maintenant. Ouais. Oui, ça a été utile parce que en fait, j'ai eu l'occasion de faire des planches à partir de mon mémoire de Master 2, sur lesquelles Léa m'a encore une fois sauvé la mise parce que justement, je suis venu la voir en disant « S'il te plaît, aide-moi à dessiner ». Mais voilà, et en fait, ça a permis de diffuser ce mémoire à plus grande échelle. Bon, pas que par nous-mêmes, mais aussi en fait, c'était pour la lettre de l'Observatoire des retraites. Et suite à cette publication, en fait, j'ai eu pas mal de retours de professionnels, y compris des professionnels qui m'ont demandé d'intervenir soit dans leur association, soit dans des réunions pour un peu développer le propos que je présentais et puis pour pouvoir répondre aux questions s'il y avait besoin. Peut-être que tu peux dire ton sujet. Ah oui, pardon. Si jamais quelqu'un serait intéressé par la gestion de l'autonomie dans les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, donc dans les maisons de retraite. Donc voilà, tout mon sujet de mémoire visait à comprendre comment était gérée l'autonomie dans ces établissements avec tout un travail autour de la question de la responsabilité des personnes âgées, mais aussi des personnels soignants, des familles, etc. Donc voilà, c'est 10 petites pages qui présentent en tout cas les grandes lignes du mémoire. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que ça nous a... Enfin, on a vraiment vu du coup un impact concret sur, en l'occurrence, mon travail professionnel. Et ça a été valorisé? Là, je vois Florilège, prix 2015. Oui, alors en fait, c'était le mémoire qui a eu un prix. Et la condition, entre guillemets, pour avoir le prix confirmé, c'était de faire un petit article dans la lettre de l'Observatoire. Et vu que je suis un peu maso, j'ai décidé de les faire en bande dessinée. Mais voilà, typiquement, si j'avais décidé de les faire plutôt en texte, je pense que j'aurais vraiment eu beaucoup moins de retours. Alors que là, ça donnait plutôt envie de lire. En tout cas, d'après ce que l'on m'a dit. Donc, Et il y a Gpif qui nous demande si vous avez pensé à en faire un film, en fait. J'imagine d'animation. Non, pas du tout. non. Tout simplement, alors pour connaître spécifiquement le milieu de l'animation, je sais à quel point c'est une... Je ne sais pas comment le dire poliment. C'est une gageure. Ouais. Non, c'est vraiment un sacré truc de monter un projet de film. Notamment pour trouver des financements, etc. Enfin, en tout cas, ça nous a pas du tout effleuré l'esprit. Si le format filmique nous est venu à l'esprit, ce serait plutôt sur un documentaire ou quelque chose comme ça, un format voilà, plutôt documentaire, et du coup la caméra comme outil de retranscription et même de collecte de données, mais enfin, en tout cas, nous spécifiquement, ça nous a pas ça nous est pas venu à l'esprit pour l'instant. Ok. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ces planches, c'est que il y a une partie dans laquelle vous avez des références où vous citez LMNOP 2014, LMNOP 2015. Je trouve ça vachement, très, vachement chic. Pour justement, Je sais pas si c'est chic de s'autonommer, mais... Oh, ça fait classe. C'est très sociologique, ça. On aime beaucoup en sociologie dire « S'il vous plaît, j'ai aussi écrit d'autres choses, allez voir, c'est bien. Ouais, » Je pense que c'est dans toutes les sciences. Oui. C'est ça, la définition de la science. C'est quand on se... Enfin, voilà. Donc là, on a vu à peu près toutes les questions que vous auriez bien voulu qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a des questions dont vous avez ras-le-bol et dont probablement on aurait utilisé dans cette interview? Non. Il n'y a pas eu de... Non, vous êtes très gentil. Non, après... J'adore qu'on me pose si la sociologie est une science. Ah oui, c'est vrai. En vrai, j'adore qu'on me pose cette question parce que ça me permet de blablater pendant de longues minutes après. Je suis plutôt désolé pour vous, en fait. dans les questions, moi, je réponds personnellement, c'est pas par rapport au blog, mais dans les réponses où j'en ai un peu marre, c'est quand je dis je travaille sur la bande dessinée en sociologie, on me demande « Ah oui, et tu lis quoi comme BD ?» Je suis un boulimique de bande dessinée, donc dire en deux mots qu'est-ce que je lis comme bande dessinée, ça a tendance à m'exaspérer. Je lis plein de choses. Ce serait un peu dans le même genre pour moi, où quand je dis que je suis illustratrice, et tu fais quoi comme illustration? Et c'est un peu trop vaste, donc voilà, ce serait plutôt ça, je pense. Mais vous ne les avez pas posées, donc très bien. C'était la question suivante, donc je la passe. Non, hormis votre blog, est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de visionnage pour s'initier au monde de la sociologie? Oui, mais alors il y a la vidéo d'Usul qui a été évoquée tout à l'heure, qui est un bon départ. Mmh. Pour rester dans la bande dessinée, il y a donc l'autre livre dont on parlait tout à l'heure, donc de Marion Montaigne, Riche pourquoi pas toi, qui est publié aux éditions d'Argo. Donc, qui est écrit à partir des livres des Pinson-Charlot, qui sont deux sociologues, qui est vraiment excellent. Si vous connaissez Marion Montaigne, vous pouvez imaginer le niveau. Après, sur Internet, il y a de plus en plus de blogueurs sociologues qui font des choses super intéressantes. Moi, je vous conseille le grand classique... qu'on ne nomme plus dans le milieu, à savoir Denis Colombi, qui a fait un blog qui s'appelle Une heure de peine, qui est vraiment excellent, où il montre à quel point la sociologie peut être utilisée pour comprendre vraiment toutes sortes de choses. Il est extrêmement fort, et notamment pour traiter des éléments d'actualité. Lui, il est vraiment très très fort. Il est aussi très actif sur Twitter. Si vous aimez Batman et les cookies, je vous invite à le suivre. Sinon, après, plutôt dans les bouquins de sociologie, pour ceux qui auraient vraiment envie d'aller pousser plus loin et de s'y frotter, moi, il y a deux livres que je conseille sans aucune retenue. C'est le livre de Ward Baker, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. C'est un livre qui s'appelle Outsider, donc c'est une sociologie de la déviance, donc où il parle des jazzmen qui fument de la marijuana dans les années 60 aux États-Unis. C'est un grand classique qui est proposé à toutes les premières années et on comprend pourquoi. C'est très bien écrit. On a l'impression que c'est simple, mais l'analyse derrière est juste brillante. Et en plus, le sujet est amusant. Donc, c'est vraiment un très bon ouvrage pour voir concrètement qu'est-ce que c'est que la sociologie et qu'est-ce que ça peut donner. Et enfin, c'est de quel auteur, tu peux répéter ? Pardon, Ward Baker. Ward Baker. Donc, je viens de trouver sa photo, par contre, c'est pas jovial. Hein. En fait, c'est un monsieur très drôle. Et, oui, non, effectivement, c'est pas la photo la plus. Qui la met le plus en valeur. En fait, c'est un monsieur qui est adorable dans la vraie vie. Il est intervenu à l'EHESS il y a 2 ans. Il est incroyable. Tous ses ouvrages sont brillants, mais celui-là, c'est vraiment une bonne entrée pour la sociologie. Et enfin, le dernier ouvrage que, pareil, je conseille sans autre. Vraiment à tout le monde. C'est un livre qui s'appelle La sociologie sur le vif, qui est écrit par Cyril Lemieux, qui est le meilleur directeur du monde. Je tiens à le signaler, le meilleur directeur de thèse du monde. Donc, il va t'écouter, c'est ça? Comment? Il va écouter cette interview, c'est ça ? C'est mon directeur. Donc c'est ton directeur de thèse. Voilà, je ne sais pas s'il va l'écouter, mais au cas où. Non, non, en plus, je le pense. Mais voilà, c'est publié au Mines Paritech, enfin aux Presses des Mines. C'est un ouvrage qui est tiré du blog que lui-même tenait sur le site Le Monde pendant quelques mois. Non, d'ailleurs, c'est pas à partir de ça, c'est à partir des chroniques qu'il faisait à la radio. Donc c'est très très court et à chaque fois, il essaie de décrypter un élément d'actualité en invoquant un auteur de sociologie. Et c'est à la fois une manière de voir comment est-ce que la sociologie permet de comprendre l'actualité au quotidien, et c'est aussi un recueil de plein de théories sociologiques différentes. Donc, je le conseille, c'est vraiment très très bien, et pour, pour tout niveau, que ce soit découvrant la sociologie ou même sociologue confirmé, voilà. J'ai fait mon faillot. Donc, sociologie pragmatique, mode d'emploi, c'est ça Sociologie pragmatique, mode d'emploi ? Non. J'ai dû me tromper de titre de livre. C'est quoi exactement, tu m'as dit ? La sociologie sur le vif. La sociologie sur le vif, ok, d'accord. Sociologie pragmatique, mode d'emploi est un article scientifique avec plein de jargon, mais il est aussi très très bien. Je le conseille à ceux qui auraient passé le level 22. D'accord. Moi, j'étais direct. Hein, moi, c'est bon. Je veux dire, cette intervention, c'est bon. Je suis sociologue, là, maintenant, non ? Bon, pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver sur l'Internet mondial ? On peut dire le nom de votre blog ? Oui, bah, sur notre blog, qui, si je me rappelle bien l'adresse, c'est socio-bd.blogspot.com. .fr. .fr, bon. C'est pas grave. On avait dit mondial. Hein, et Internet. Puis, on est présent sur Facebook et sur Twitter. Sous le pseudonyme du blog Émile Onbande ou LMNOP selon les plateformes. Voilà. Et c'est tout. Super. Et moi, j'ai une question encore. Vas-y. En fait, je ne sais plus, je ne crois pas que vous en ayez parlé, mais vous êtes arrivés comment à bosser ensemble ? Vous connaissiez avant ou comment c'est parti en fait ? Oui, on se connaissait avant. En fait, moi, tout simplement, ma cousine était dans la fac de Pierre. Et ouais. Quand je suis arrivée à Paris, il fallait que je me trouve des amis. Donc, j'ai un peu squatté ceux de ma cousine. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça avec Pierre. Et très vite, on a parlé bande dessinée pendant longtemps. Donc voilà, en fait, la collaboration est née de ça. En se disant que quand même, faudrait faire quelque chose de tout ça. Alors, qui c'est qui a eu l'idée du blog ? C'est Léa ou c'est Pierre ? Je sais pas trop. Déjà, comme on le disait au tout début, Pierre a commencé à faire des planches sur la sociologie, et je pense que c'est vraiment ça qui a donné la pulsion, puisque quand il m'a montré ce qu'il a fait, je lui ai dit mais c'est génial, faut absolument en faire quelque chose, et c'est à partir de là que on a monté le blog. En fait, à la base, je crois que notre premier projet c'était de faire des planches de vulgarisation, donc en une page. Et de les proposer à la presse, notamment des magazines de sciences humaines ou ce genre de choses. Et au final, on n'a jamais monté ce projet. Mais voilà, on avait créé le blog aussi dans cette démarche-là, quoi. Oui, ça s'est vraiment fait dans l'urgence parce qu'on ne voulait pas que Marion Montaigne nous pique tout l'espace. En plus, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. On avait juste entendu dire que ça allait exister. Donc, c'était un peu le gros stress. Et pour ça, malgré tout, les blogs, ça reste très pratique. C'est très rapide. Mmh. Voilà. Super idée, en tout cas. Vous avez bien alimenté la blogosphère. Merci. Alors, vous restez dans les parages si vous le voulez, ou si on vous a déjà torturé pendant près de 1h40 maintenant, si vous voulez repartir, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va continuer notre émission. Donc, Nico, tu reprends les commandes. Alors, on a des capsules d'Alan, si je ne m'abuse. Donc, il nous a laissé deux jolies capsules. Je vous propose d'écouter ça. On commence par une capsule qui a un petit souvenir de Lift, tout d'abord. C'est une conférence à laquelle Alan a participé. Et quand on doit envoyer un reporter exclusif dans une des capitales les plus chères de la planète, à savoir la Suisse, un choix s'impose tout naturellement. C'est notre bon vieux Alan qui s'y cause. Et donc, bien sûr, j'ai aucune idée de ce qu'il a mijoté. Et on va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Les 11 et 12 février dernier, j'ai eu la chance d'être invité à la conférence LIFT à Genève. Vous savez, une de ces fameuses conférences où on parle d'innovation, on comprend les tendances, et surtout on rencontre des gens inspirants. Encore un immense merci à Clément pour cette invitation. Ça m'a permis de rencontrer des gens super intéressants. Tiens, d'ailleurs, juste avant d'enregistrer la capsule que vous allez entendre maintenant, j'ai rencontré et papoté un peu avec le blogueur Corben. Ce fut un moment super sympa. C'est corben.info, si vous ne connaissez pas encore. Donc ouais, on fait les rencontres les plus improbables à LIFT et j'ai vraiment hâte de vous faire écouter ce qui suit. Bonne écoute. Donc je continue ma petite balade à LIFT. Là, je me trouve au deuxième étage, au Game Lab, où il y a beaucoup d'activités. Et je vais te demander de quoi il s'agit à un certain Walid. Salut Walid. Salut. Donc tu peux me dire en deux mots ce que vous faites là ? Alors là, on est en train de faire ce qu'on appelle une game jam. Une game jam consiste à développer des jeux ou des applications sur une durée très courte. En tout cas des prototypes, vu que la durée est très très courte. Donc aujourd'hui, en fait, on bosse sur le sujet de la mucoviscidose. L'idée, c'est de faire des applications qui permettent que le traitement de la mucoviscidose pour les enfants, en fait, les enfants doivent faire un entraînement, ils doivent respirer régulièrement, enfin, d'une certaine manière, pour se déboucher en fait, les voies aériennes et se soulager les poumons. Et donc l'idée, c'est de faire une application qui permette à ces enfants de passer un moment plus ludique, en fait, que ce soit pas juste une contrainte, mais qu'en plus, il y ait un élément de jeu, un élément ludique qui les aide à se concentrer à faire ça plus régulièrement. Voilà. D'accord, donc transformer une corvée en quelque chose de cool, en fait. Voilà, transformer une corvée en quelque chose de cool, de ludique, qu'ils aient envie de faire, voilà, régulièrement, que ça les dérange plus de faire. Parce que pour le moment, ça les dérange. Enfin, sans ce jeu, on sait qu'ils ne le font pas, en fait. Alors, il faut savoir qu'on vise une cible des enfants entre 3 et 7 ans, en fait. Que bien sûr, un enfant de 3 ans, ayant un peu de mal à se projeter sur le bien, on ne peut pas le tenir en place. Ils ont plutôt du mal à faire en sorte que les enfants soient réguliers et fassent leurs exercices correctement. Ok, et puis donc, vous avez créé un jeu, et ce jeu les amuse, ça marche ? Alors voilà, on a l'an dernier, durant un hackathon, il y a déjà une première application, un premier jeu qui a été créé. Donc en fait, il y a un appareil de respiration qui est collé, associé à la machine, et donc l'utilisateur souffle dedans, en fait, fait des exercices de respiration, et en faisant ces exercices de respiration, il va contrôler un personnage qui va évoluer à travers un niveau sous-marin, en fait. C'est l'an dernier. Donc cette année, maintenant, on a 3 groupes. On a plus de monde que l'an dernier. Et donc il y a un groupe qui fait évoluer ce jeu à partir de l'expérience acquise et des retours utilisateurs. Et il y a deux autres équipes qui travaillent sur des nouveaux concepts, soit pour une gamme catégorie d'âge un peu plus élevée, donc la catégorie 6-7 ans, soit juste des nouveaux concepts de jeu plus intéressants ou plus ludiques. Voilà. Ok, et puis le jeu que vous avez réalisé pendant le hackathon, que vous maintenez aujourd'hui, il est disponible, on peut le trouver quelque part, il s'appelle comment ? Alors, il s'appelle Héritage, donc Game Breeding. C'est Breeding Game, pardon, si vous cherchez sur Internet, Breeding Game, Héritage. Il est disponible sur GitHub. Toutes les sources du projet sont disponibles. Le jeu est développé sous Unity. Donc voilà, Unity est gratuit pour la version non commerciale, il est gratuit. Donc voilà, tout le jeu est disponible sur Internet. Il suffit de le télécharger, puis de lancer sur Unity. Toutes les sources sont disponibles. Si les gens veulent participer, c'est d'autres personnes. Voilà, c'est un GitHub, c'est libre d'accès. Les gens peuvent ajouter, proposer des modifications, des améliorations, voilà, pour améliorer le jeu, les concepts, tout simplement. Ok, très bien. Pour jouer, il faut quoi ? Juste un ordinateur ? Alors, pour jouer, il faut juste un ordinateur. L'idée, dans l'avenir, c'est aussi de viser les tablettes, les téléphones, donc on fait des applications légères. Il faut un ordinateur et l'appareil pour souffler. Donc, aujourd'hui, l'appareil a besoin d'être connecté en USB sur un ordinateur, mais dans le futur, ils essaient de faire des versions qui marchent en Bluetooth pour permettre de contrôler ou de suivre, Ok, ça marche. Et puis, est-ce qu'on suit le projet dans les hôpitaux, par exemple ? Est-ce que ça commence à faire partie du dispositif thérapeutique ? Alors, je ne pourrais pas vraiment te dire, parce que c'est vraiment Fabio qui suit ce projet. Là, pour l'instant, moi, je fais du développement. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants du projet. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait pas très longtemps en fait, que le projet a été mis en place. Ça commence à créer l'attraction, mais un des éléments de LIFT, c'est qu'il y a le Prototyping Lab. Et donc, il y a tout un groupe aussi. Donc ici, il y a le groupe Game Jam. Il y a aussi le groupe du Prototyping Lab qui réfléchit à un moyen de trouver des financements ou un business model pour ce projet. D'accord, parce qu'aujourd'hui vous êtes tous bénévoles ? Aujourd'hui on est tous bénévoles, oui. On a ces 3 jours avec plaisir d'ailleurs. L'ensemble de l'équipe ici est bénévole. Ok, donc vous ne bossez que pendant ces 3 jours en fait sur ce projet, le reste du temps vous faites tous autre chose ? Alors Théoriquement, oui. Mais voilà, moi, par exemple, je peux rentrer chez moi, j'ai accès aux sources, je peux continuer à proposer des améliorations au projet. Et toutes les personnes qui sont ici peuvent le faire, et toutes les personnes qui entendent parler de ce projet peuvent également le faire. Donc aujourd'hui, je viens de découvrir en fait le projet, le Game Jam, donc je suis très intéressé, je pense continuer là-dedans. Mais on est tous arrivés pour ce truc-là, et théoriquement, on est juste là pour ça. Ok, génial. Un immense merci. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'intérêt que vous portez au projet, en tout cas. Avec plaisir. Et puis donc, la personne à aller voir, c'est Fabio, si on veut tout savoir. Alors, j'y cours, j'y vole. Salut Fabio. Oui, bonjour. Je t'interromps, désolé, tu es en train de faire un communiqué de presse ? Voilà, on est en train de préparer quelques photos et puis un texte pour les médias. D'accord. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que le projet a décollé dans les hôpitaux ? Est-ce que vous êtes suivi dans le monde médical ? Et puis est-ce qu'il est déjà utilisé comme outil thérapeutique ? Alors là, on est encore à une phase un peu trop... on est un peu trop tôt pour l'exploiter vraiment au niveau des enfants. Mais on a travaillé déjà avec un hôpital à Montréal. Et on a fait des tests avec des enfants pour voir un petit peu leur intérêt. On a eu des liens avec le CHUV aussi. Et puis là, on prévoit avec la Haute École Arc à Neuchâtel de faire une recherche avec une soixantaine d'enfants. Donc là, on doit vraiment encore développer le jeu pour qu'on ait suffisamment d'heures pour faire la recherche et voir s'il y a un impact sur l'adhérence. Quand tu dis faire suffisamment d'heures, ça veut dire quoi ? Des heures de développement ? Voilà, il faut que le jeu soit suffisamment long pour qu'on ait à peu près une trentaine d'heures de jeu. Et ça demande quand même pas mal de travail, donc on va voir qui a envie de continuer le projet et puis essayer de trouver aussi d'autres contributeurs qui sont intéressés à participer. D'accord, pour le moment, donc vous avez combien d'heures ? Là, jusqu'à maintenant, avec cet événement de 3 jours, on arrive, je pense, à peu près 3000 heures de travail qui ont été faites sur le projet. D'accord, et d'heures de jeu pour les enfants ? D'heures de jeu, là, je pense qu'on a pas beaucoup, on a peut-être une heure de jeu. Là, on a vraiment travaillé sur plusieurs types de dynamiques et donc c'est vraiment des essais qu'on peut pousser plus loin après. Avec d'autres niveaux, disons, qu'on pourra rajouter au fur et à mesure. Mais on a vraiment travaillé sur la base du projet. D'accord. Et puis si on a des auditeurs qui ont des compétences, qui veulent vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Alors, on a mis en place un système de contribution. Donc, les personnes qui veulent nous aider peuvent venir sur breathinggames.net. Comment tu dis ? Breathinggames.net. Donc, breathing, B-R-E-E-T-I-N-G, non. C'est ça ? Non, B-R-E-A-T-H-I-N-G. Ah, pardon, breathing, d'accord. Breathing, ok. L'accent n'est pas été, excellent. Donc, breathinggames.net. Et puis, là, ils peuvent, on a tous les liens au code, à la documentation qui est ouverte. Ils peuvent nous contacter. Et puis, une fois qu'ils veulent contribuer, en fait, qu'ils ont un peu connaissance du projet, ils vont enregistrer leurs heures dans un système. Et idéalement, dès qu'on a un financement suffisant, on va donner une rétribution en fait aux personnes qui ont contribué au projet. Génial, donc en plus il y a moyen de gagner des sous avec. L'idée c'est vraiment pour que ça soit durable et que les gens restent, c'est qu'on leur paye pas forcément un salaire, mais on va essayer de redistribuer les fonds qu'on aura récoltés. Excellent. Bah, écoute, un immense merci et puis plein succès pour ce projet. Merci beaucoup. Bon ben, plein d'infos ma foi. Alors, je sais que Pierre est parti, je sais pas avec qui je suis là, il doit y avoir Pascal dans le coin, mais sinon je suis un peu tout seul avec... Eh bien, figure-toi que je suis encore là, non, moi. Ah non, tu es encore là, Irène. Oui. On je me disais, aussi. J'entendais plus rien. Oui, ça vous, je sais que c'est ce que j'allais dire, vous êtes encore là. Ça tombe bien que tu sois là, Irène, parce que je crois que t'es plus ou moins paré pour le pitch de la semaine prochaine, t'as un peu de temps encore, hein, je te préviens. D'accord. Voilà, hein. Bon. Bon d'accord, ok. Bon, C'est pas fini parce que Alan, c'est un peu la dictature du podcast que Jacques Lang est au ministère de la Culture. C'est-à-dire quand il a la parole, il la lâche plus. Il nous a préparé un autre petit quelque chose, mais on l'écoutera en bonus après le générique parce que c'est un peu long. Donc là, on passe très rapidement au quiz du mois qui était proposé par Johan, même s'il n'est pas là ce soir. Il nous propose un quiz du mois. Si tu ronges tes ongles ou manges des noyaux de cerise ou manges des pépins de pommes, tu vas avoir l'appendicite, un faux ou un tox. Je sais pas ce qu'en pensent nos sociologues et illustrateurs invités ce soir. moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Moi non plus, j'ai jamais entendu. J'avoue que j'y crois très peu, mais bon. Nous aussi, je pense que... On pourrait être surpris, hein, mais... Voilà. Ouais. Bon. En tout cas, je vois bien la menace des parents un peu bébêtes sur ça. Tu vas avoir une appendicite. Ça ne serait pas juste. Alors, parce que je ne mange pas de cerises et j'ai déjà eu l'appendicite, donc ça ne serait vraiment pas juste. Pareil. Moi, j'avais entendu dire si tu manges du chewing-gum, tu vas avoir une appendicite, mais bon. Ah oui, moi aussi, j'ai entendu ça. Ah, je suis comme moi, j'ai entendu des trucs pires, c'est que ça va rester collé, ça va te boucher et tout. Enfin... Ouais, ouais, ça aussi, ouais, ouais. Pourquoi il n'y a rien sur les choux de Bruxelles ? Ils ne pourraient pas donner, je sais pas, le cancer ou je sais pas quoi. On passe à quelques retours sur les émissions précédentes, parce que mine de rien, l'heure avance. Donc, on commence par un retour sur l'épisode que nous avons fait avec Anaïs Rassa sur la mission Euclid, qui a pas mal plu. Et on a Elixir31 qui nous dit « L'un des meilleurs podcasts science que j'ai entendu jusqu'à présent, captivant, merci. » Voilà, oh, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il me semble qu'Anaïs va revenir pour nous parler, si je dis pas de bêtises, des ondes gravitationnelles, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises, super, sinon je me couperai que... au montage. Ouais. Mais je crois qu'en tout cas, elle va revenir nous papoter. Donc voilà, voilà. Sinon, on a eu aussi plusieurs retours sur la méthode des lieux. Rappelez-vous, c'était un dossier qui nous a été présenté par Timothée Béra, qui nous montrait comment il mémorisait. Il avait une méthode pour mémoriser. Il avait mémorisé pour nous, 300 décimales de pi, je crois. Quelque chose comme ça, oui, ou 220, quelque on chose comme ça. On pouvait lui dire, oui, donne-nous la décimale 223, et puis il nous l'a donnée, quoi. Et donc, on a eu un retour sur cet épisode. On a eu Julien Patate qui nous écrit « Impressionnant, j'apprends le japonais et je suis curieux de voir comment la méthode des lieux pourrait fonctionner. » Alors, on a demandé plus d'informations. A priori, sa méthode pour apprendre le japonais n'est pas évidente. David38 aussi était assez... Enfin, il a dit « Merci pour cet excellent épisode. » Et on a eu David demandait si on avait des liens ou des lectures à conseiller pour approfondir la méthode des lieux. Et Timothée a répondu deux messages qui sont un peu longs, donc on vous invite à aller voir les notes de l'émission si ça vous intéresse et que vous voulez améliorer votre mémoire avec cette méthode assez impressionnante. Sinon, on a eu aussi une question de Martin S sur les abeilles, mais comme Billy est pas là, on fera un retour écrit si on a une réponse. En tout cas, c'est aussi un épisode qui a intrigué pas mal de monde. Et voilà, on n'a pas forcément diffusé, alors petite info, on n'a pas forcément diffusé tous les messages qu'on a reçus ces derniers mois, on prie un peu de s'excuser, ça fait toujours autant plaisir de lire vos commentaires, on essaie d'y répondre de manière assidue, mais il y a eu quelques loupés, on a tous été un peu surchargés entre l'urgence, etc. Donc voilà, voilà, en tout cas on lit tout, et puis ça fait très plaisir, c'est très sympathique tout ça. Oui, et on voilà, adore. C'était on adore les petits retours. Ouais, et puis même enfin, les moi, critiques, surtout, attends. Même les critiques, il y a des critiques intéressantes. C'est vrai. Et donc, on arrive à la rubrique d'Irène, le pitch de la semaine prochaine. Le pitch de la semaine prochaine. Alors, vraiment, il faut que vous veniez écouter la semaine prochaine. C'est aussi fantastique. Je commence bien, c'est ça, Nico ? C'est ça, parfait. Non, tu sais de quoi on va parler, quand même. Rassure-moi. Oui, oui, mais oui, absolument. Non, c'est un sujet vraiment intéressant. C'est la procréation médicale assistée. Donc, on a une invitée, Stéphanie, qui va venir nous en parler. Et elle va nous parler de tous les... tabous en France. C'est vrai ? Ah bon ? Ben, en fait, c'est un des gros éléments de tension sur le mariage pour tous, en fait. Ah, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui, oui. Donc, Stéphanie va venir nous en parler avec les différentes méthodes, hein, la fécondation in vitro et des choses comme ça. Et donc, son speech, c'est « Vous en avez en parlé, vous en avez entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, en fait ?» Aujourd'hui, en France, un couple sur six consulte pour des problèmes d'infertilité. C'est énorme, donc. Et le premier bébé éprouvette a aujourd'hui 38 ans. Aujourd'hui, il y a 5 millions d'enfants qui sont nés dans le monde grâce à la procréation médicalement assistée. Donc, on voudrait parfois encore nous faire croire que les gamètes, enfin, la procréation, c'est dans la tête, mais non. C'est au labo que ça se passe. Donc, de la stimulation ovarienne à la fécondation in vitro en parlant par les inséminations, vous allez apprendre toutes ces techniques, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces acronymes et comment ça fonctionne, les taux de réussite, tout ça, il y aura presque plus de secrets pour vous. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Merveilleux. Ça me fait penser à une question, vous allez vous demander comment je fais le lien pour nos chers sociologues invités, parce qu'en fait, justement, ces sujets, alors, c'est pas la PMA, mais c'est des sujets de manifestation, suite à la manifestation pour Je suis Charlie, je crois que c'est 6 mois après, il y a Emmanuel Todd qui a fait un bouquin qui a essayé d'analyser qui était présent dans cette manifestation, il me semble que c'est de la sociologie. Il y a eu beaucoup d'articles critiques ou pas sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous avez jamais entendu parler de ce truc-là. J'en ai beaucoup entendu parler, effectivement, de ce bouquin. J'avoue que je ne l'ai pas lu. D'une manière générale, je trouve ça assez surprenant, la vitesse avec laquelle il l'a publié. Mais voilà, je ne me permettrai pas de parler du travail d'un chercheur que j'ai pas lu. D'accord. Voilà, je suis désolé. Mais Emmanuel Todd, c'est justement quand je parlais des personnages médiatiques, qui fait partie de ceux auxquels je pensais. C'est un sociologue ou pas ? Il me semble que oui, hein, oui, il a une formation en sociologie. Donc après, c'est pas parce que une personne a fait. Oui, bien sûr. Enfin voilà, il y a des très bons sociologues qui sont devenus très mauvais sociologues après. Ça existe. Bah, un peu comme n'importe quelle science, hein, finalement. Mais voilà, c'est une question qui est très très très développée en bande dessinée. C'est est-ce que les dessinateurs s'améliorent avec le temps. Je pense qu'on pourrait se poser la même question sur les sociologues. Ça arrive, hein, mais. ouais. En mais maths, voilà. On n'a pas ce problème vu que la médaille Fields s'est limitée à 40 ans. Ah. C'est une bonne stratégie, remarque. C'est ça. On passe à la côte. Est-ce que nos invités ont fait leur devoir? Alors, oui. Alors, enfin, on a trouvé une côte qui, à mon avis, résume assez bien ce qu'on essaye de faire. En tout cas, vous nous direz si ça a marché ou pas. C'est qu'on essaye de faire de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que propose de faire Howard Baker, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment son leitmotiv à lui. On a essayé de le mettre au cœur de toute la démarche du blog. Et voilà. Donc, on espère que vous trouverez aussi que c'est sérieux, mais qu'en même temps, on ne se prend pas trop au sérieux, même si j'ai beaucoup trop parlé ce soir pour essayer de faire défendre cette idée-là. Donc, la citation, c'est là, on essaie de faire de la sociologie sérieusement sans se prendre au sérieux? Parce qu'elles sont publiées, nos quotes, après. Donc... C'est ce qu'il disait dans un de ses séminaires. C'est, il faut faire de la sociologie sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Oui, c'est pas mal. Et ça marche pour pas mal de choses, en fait. Hein, je pense. Ça marche pour beaucoup de choses. Ça marche pour la vie en général, je pense. Oui, sans doute. Ouais, sinon, je crois qu'on avait une autre citation de la BD Épistémothérapie d'Émile Omband, un blog, je ne sais pas si vous connaissez. Qui dit, les habitudes intellectuelles, c'est comme les vestes en tweed, c'est confortable, mais ça ne fait pas un bon chercheur. Excellent. qui est là une citation de vous carrément, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est dans l'une des planches qu'on a publiées. Donc, je ne sais pas dans vos disciplines respectives s'il y a aussi beaucoup de vestes en tweed, mais en sociologie, il y en a un paquet. C'est pas forcément signe de qualité. Moi, j'avoue que quand je vais dans une conférence et que je vois quelqu'un qui est très bien habillé, je pense que généralement, c'est pas un scientifique en fait. C'est assez vrai. Mais oui, mais il y a souvent des blagues sur les goûts vestimentaires des sociologues. Ouais. Ils ne sont pas infondés. Ouais, de plusieurs scientifiques. Ok. Bah, sur ce, on arrive sur la fin de l'émission. On a quelques petits plugs des choses dont on a parlé ce soir. Donc, on a parlé de Corben.info, genre podcast science qui fait de la pub pour Corben. Je pense que c'est un peu l'inverse, s'ils en parlent un jour. Donc, c'est Breath in Game, je crois, pour bien le prononcer, dont parlait Alan dans sa capsule. Breathing Game. Voilà. Et de Victor Boissel, qui aussi était dans l'extrait d'Alan, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et sur ce, bah, on va conclure, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, chers amis invités, et puis après on écoutera la capsule d'Alan. Non, juste merci mille fois pour votre invitation. Ouais. C'était une super expérience, on a bien rigolé, et désolé d'avoir parlé autant. Non, c'est cool, c'est hyper intéressant. En fait, podcast science, on a mine de rien, on parle de beaucoup de choses assez variées, mais il y a des sujets de science qu'on a, on a beaucoup de mal à aborder, et la sociologie en fait partie, il y a l'économie aussi, et c'est vrai que c'est pas évident d'essayer d'avoir le même recul, de parler, parce qu'on a tendance à parler de sujets qui sont relativement vieux, enfin qui sont acquis, où il y a peu de discussions... en tout cas entre scientifiques dessus. Et c'est vrai que sur la sociologie comme sur l'économie, c'est des sujets qui sont un peu plus compliqués à aborder. Enfin voilà, donc c'est cool d'avoir des gens qui viennent en parler. Bah c'est bien de nous laisser la place de le faire, parce que c'est pas tout le temps le cas, donc merci d'autant plus. Avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu, ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vraiment, c'est super plaisant pour nous. Et du coup, on va conclure, on arrive à la fin de cette émission riche en sociologie, et on vous invite à participer vous-même à une expérience en sciences sociales en partageant cet épisode sur votre réseau social préféré, Facebook, Twitter, Google+, ou à évaluer l'influence des notes positives sur iTunes ou sur SoundCloud sur notre morale. N'oubliez pas votre carnet de notes pour étudier les habitudes de trafic des internautes sur le site podcastscience.fm, où vous pourrez notamment retrouver les notes de l'émission riches en images et sources pour aller un peu plus loin dans votre enquête sociologique. Bon courage, à la semaine prochaine, et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Vous connaissez le truc pour se retrouver derrière le micro de Podcast Science. Vous envoyez un commentaire en disant « Tiens, telle ou telle émission était pas mal, mais on aurait pu faire autrement. Mais bravo quand même à toute l'équipe. Et paf, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, vous vous retrouvez dans les coulisses. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'écrivain Victor Boissel, qui nous aime beaucoup, mais qui trouve, avec raison selon moi, qu'on pourrait faire mieux en termes de storytelling. Il s'est donc livré à un exercice de reconditionnement d'un épisode existant. Il ne s'agit pas de le remplacer, hein, mais juste d'expérimenter un format pour raconter les choses autrement. En l'occurrence, il s'agit de l'épisode 221 sur les idées contagieuses que nous avait présenté Elena Mitton. Victor a pensé mettre en dialogue les éléments clés qu'il souhaitait faire retenir aux auditeurs et a donc complètement écrit la scène que vous allez entendre maintenant, interprétée par lui et moi. Désolé pour la qualité du son, c'est pas génial, j'ai eu un petit souci de matériel et comme d'hab, le temps à disposition était hyper serré. Mais c'est pas grave, c'est une première, on améliorera les choses par la suite. Ça m'intéresserait surtout énormément d'avoir vos feedbacks là-dessus, parce qu'on a déjà plein d'autres idées pour reconditionner d'autres épisodes, pas forcément sous forme de dialogue, ça pourrait être tout à fait autre chose. Quand je dis « on », c'est surtout Victor, en fait. Allez, on écoute. Les idées sont-elles contagieuses ? Parce que c'est ça la question qu'on nous pose. Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser immédiatement ? Moi, ça me fait penser au virus. C'est un truc de dingue, les virus. C'est super contagieux. Ça l'a toujours été. Les virus nous cassent les pieds depuis que le reste du vivant existe. Mais ça n'a pas toujours été aussi virulent. Tu sais, si tu penses à Ebola, par exemple, on a quand même eu les jetons à la dernière épidémie. Mais c'est lié aussi à notre mode de vie, à nos modes de communication modernes, au fait que tout communique toujours avec tout. En fait, autrefois, le virus Ebola se trouvait dans un cul-de-sac en atteignant un village. Il n'avait aucune possibilité d'aller plus loin, mais là, bah, il tombe sur quelqu'un qui s'apprête à prendre l'avion et boum, tu le retrouves à l'autre bout du monde en quelques heures. Enfin, c'est un truc de dingue, la propagation des virus. C'est super contagieux. Après, je sais pas, je me demande, parce que c'est un peu compliqué. Hein. T'as des virus qui s'attaquent à d'autres parasites, t'as même des virus qui s'attaquent à des virus. Alors, je sais pas si c'est une bonne métaphore pour parler des idées. Est-ce qu'il y a des idées qui s'attaquent à des idées ? J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup l'idée qu'une idée s'attaque à une idée. Mais j'aime bien ça parce que je suis convaincu que les idées sont elles-mêmes souvent conçues avec des idées. Donc pour les virus, pour les virus, ça colle. Enfin, je te suis en tout cas. Mais je sais pas. Il y aurait d'autres images. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme métaphore ? Écoute. Moi, quand je pense à la notion de contagion, je pense à la notion d'intrusion. Je pense à la capacité qu'un objet a de se rendre quelque part sans être remarqué ou sans être vu. Un peu à la manière d'un caméléon. Mm. Donc, tu vois, tu prends une fête religieuse et puis il y a une chose qui va donner à une fête religieuse de la légitimité dans le présent, c'est celle de faire croire qu'elle a toujours été là par tous les temps. Du moins qu'elle a toujours été là de tout temps, indépendamment de la météo. Ça veut dire que quand tu crées la fête de Noël, eh ben, tu vas t'appuyer sur des fêtes qui sont millénaires. Alors d'abord, tu avais la fête du solstice, les fêtes dionysiaques, les fêtes bacchanales, et tu vas créer Noël par-dessus, qui va coller à tout ce que les gens avaient l'habitude de faire à cette date, c'est-à-dire célébrer. Et à ce moment-là, toi, ton idée... qui s'est vêtue de la même robe que les idées précédentes, eh ben elle va venir s'insinuer dans quelque chose qui paraît naturel pour tout le monde. Ouais, je vois. Bon, ça vole peut-être un petit peu trop, non, pour une première conversation. Moi, je te propose qu'on simplifie. Je te propose un raisonnement par l'absurde. Au lieu de se demander si les idées sont contagieuses, je te propose de répondre à une autre question. Est-ce que l'ignorance est contagieuse ? L'ignorance. Attends, une seconde. Est-ce que l'ignorance est contagieuse ? L'ignorance est-elle contagieuse ? Eh bien, dans une certaine mesure, oui. Hein, tu te rends bien compte que plus tu fréquentes des gens qui sont ignorants, plus tu deviens à ton tour progressivement ignorant. Tu veux dire que les idées se perdent ? Ouais. Par exemple, si moi j'ai une idée... et que j'ai aucun interlocuteur valable à qui la communiquer. Elle est exposée à la disparition. Alors bien sûr, je peux l'écrire pour la conserver. Je peux aussi suivre mon idée et créer. Là, si mon idée, c'est une conception de maison, je peux construire la maison en question et éventuellement, la maison me survivra et on pourra en déduire l'idée qui a permis de construire cette maison. Mais si mon idée est une recette de gâteau au chocolat, alors je fais mon gâteau au chocolat et dès que j'ai mangé mon gâteau, eh ben, bon, il n'y a plus de gâteau et il n'y a plus d'idée. Il ne reste plus rien. Ouais, donc, selon toi, le cerveau tout seul est insuffisant pour une idée. Mais le cerveau, c'est un berceau. L'idée, elle peut naître dans le cadre de ce cerveau tout seul, mais elle ne peut pas s'y épanouir. Le cerveau, c'est un peu comme le pot d'un bonsaï. Hein, il est suffisant pour les premiers temps de la croissance, mais si tu veux qu'un grand arbre se développe, eh ben, il lui faut de la place pour déployer ses racines et grandir. Ouais, alors, si j'en reviens à mon ignorance contagieuse, dès qu'on ferme un cerveau, on condamne les idées qui y naissent à mourir avec lui. Oui, c'est ça. Tu me rejoins si je dis que le cerveau a deux portes. On a une porte d'entrée qui lui permet d'acquérir de l'information et une porte de sortie qui lui permet de diffuser de l'information. Si on ferme la porte d'entrée, il ne peut pas recevoir de nouvelles informations à combiner en idées. Mais il peut quand même toujours proposer de nouvelles combinaisons avec les informations qui sont déjà là. Ouais, donc on peut imaginer que de nouvelles idées naissent chez quelqu'un qui est subitement privé de tous ses sens, il n'acquiert plus rien, mais il joue au Lego avec les briques d'informations qu'il a déjà à l'esprit. C'est ça, c'est vrai. Mais bon, tu m'accorderas que sans informations entrantes, son potentiel d'innovation restera assez faible. Sans doute. Reste la question de l'autre porte, la porte de sortie, celle qui permet de partager une idée. Si on ferme cette porte, l'idée est bloquée dans le cerveau, elle n'a aucune manière de vivre au-delà de ce cerveau. Le cerveau meurt, l'idée meurt. Ouais, c'est ce qui est terrible. Parce que, bon, s'il y a une prophétie qui est facile à défendre, c'est que les cerveaux sont mortels. Donc, si une idée est enfermée dans un cerveau mortel, elle devient mortelle à son tour. Or, c'est pas une obligation, il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité. Alors, j'aime beaucoup l'idée que le cerveau, c'est mortel, et les idées, c'est mortel. Mais bon, pour te répondre, ouais, il y a des idées qui ont accédé à l'immortalité, c'est une manière de le dire. Elles sont pas encore mortes. Pour définir qu'elles sont complètement immortelles, il faudrait aller jusqu'à la nuit des temps et regarder, effectivement, tiens, elles sont encore là. Donc, j'ai envie de te dire, ok, elles sont immortelles jusqu'à maintenant. Ouais, ou alors on pourrait le dire autrement. Il y a des idées qui sont comme des arbres. Elles peuvent continuer de vivre pendant des siècles parce qu'elles ne sont pas programmées pour mourir. Tu vois, nous, on est programmés pour mourir. Même si on mange, même si on tombe jamais malade, on finit par mourir au bout de 70-120 ans. En fonction du patrimoine qu'on a au départ, en fonction des conditions de vie, on meurt, quoi. Alors qu'un arbre, s'il a les nutriments dont il a besoin, s'il n'est attaqué par aucune maladie, s'il ne se trouve pas sur le chemin d'un bûcheron, l'arbre, il pourrait vivre indéfiniment. Il pourrait, mais il resterait quand même mortel. Ouais, bien sûr, mortel, mais sa mort n'est pas programmée. Alors l'ignorance est contagieuse si un cerveau rempli d'idées ne peut pas les diffuser. Ouais, d'une part, mais également, d'autre part, si les cerveaux environnants ont leur porte d'entrée fermée. Ben oui. En synthèse, on peut conclure que la fermeture d'esprit, c'est l'arrêt de mort des idées. Voilà. Et donc, une condition de perpétuation de l'ignorance. Tiens, c'est amusant, ça. On dirait un peu un message politique, non ? Ouais, un message politique. C'est drôle et c'est triste en même temps, parce que ce qui est paradoxal, c'est que les grands défenseurs de dogmes politiques, religieux, moraux, ils sont très préoccupés par la conservation de leurs idées. Alors pour préserver la pureté de leurs idées, ils rendent leurs dogmes hermétiques. Ils reçoivent peu et ils diffusent beaucoup. En d'autres termes, la porte d'entrée est fermée et la porte de sortie est grande ouverte. Oui, et c'est exactement comme ça qu'on caractérise le militantisme pour la politique et le prosélytisme pour la religion. Ouais, du côté des comportements. Et du côté des idées, Ben, on observe alors une faible variation parce que précisément elles sont sacralisées, elles sont associées à la notion de pureté, elles doivent conserver une espèce de caution virginale, rester intouchées. Ouais, et tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la notion de race chez les chiens. Tu sais que les chiens sont tous interféconds, et même si c'est contre-intuitif, un chihuahua peut se reproduire avec un dog allemand. D'un point de vue anatomique, il vaut mieux que ce soit un chihuahua mâle et un dog allemand femelle, mais dans les deux cas, c'est possible. On est bien chez les Canis lupus familiaris. Mmh. J'ai en tête maintenant l'image des deux cas. Enfin bon, mais du coup, alors c'est quoi ? C'est quoi qui désigne la race à proprement parler ? Eh bien, la race, c'est une désignation humaine. C'est une classification que les humains ont faite. Alors, la plupart des races ont été créées au XIXe siècle pour fabriquer chez les chiens des individus qui étaient propres à certains usages. On a commencé à observer les chiens en fonction de leur comportement. D'aucuns étaient aptes à la chasse, d'autres à accompagner les bergers et les troupeaux, d'autres à garder un territoire ou encore à égayer la vie de famille, etc. etc. Et ensuite, en plus des comportements, on a commencé à répertorier les caractéristiques physiques, la hauteur, le poids, la puissance de la mâchoire, la couleur de la robe, et j'en passe. Mmh, ouais, bon, puis après, pour changer, j'imagine qu'on a encore joué au Lego. Ben c'est ça. On met dans le même groupe tous les chiens qui sont doués pour accompagner les troupeaux de bétail. On ne garde que ceux dont la robe est claire et dont la taille est moyenne. Et on les fait se reproduire. Et au sein des progénitures, on va déclarer que tels individus sont aptes à se reproduire, au regard de leur comportement et de leur apparence. Et enfin, on établit un standard, un canon, dans lequel on décrète que si, dans telle circonstance, le chien ne s'est pas comporté de telle ou telle manière, il est exclu, et s'il s'est comporté de telle ou telle manière, il est inclus. Et c'est la même chose pour la partie physique. Si, dans le standard, le chien a une hauteur au garrot inférieure à 40 cm ou supérieure à 50 cm, eh bien, il est disqualifié. Ouais, c'est un peu comme dans l'industrie en fait, un boulon de 13 c'est pas un boulon de 15 et une clé de 13 c'est pas une clé de 15, on a créé un standard. Ouais, on a créé un standard, mais là d'une façon complètement arbitraire. On est parti d'une race, enfin d'une espèce, hein, on est parti des chiens, et on a décidé de les couper en petits morceaux pour dire il y a des chiens comme ceci et des chiens comme cela. Et tu sais comme moi que certains de nos compatriotes et certains de nos congénères humains ont cherché à faire la même chose avec les humains. Donc je passerai sur toutes les dérives qu'on peut trouver là-dedans, mais c'est effectivement de cette manière-là qu'on crée un standard. Donc il faudrait que, pour que j'en reviens à mon chien, pour que mon chien appartienne à un standard, non seulement il faut que ses ascendants soient purs, c'est-à-dire qu'ils aient correspondu eux-mêmes avec les critères du standard, mais il faut également que l'individu considéré ait les caractéristiques actuelles du standard. Donc, le standard, alors que c'est une abstraction humaine, est extrêmement contraignant. Parce que malgré cela, le chien, lui, il s'en moque du standard. C'est un chien, Canis lupus familiaris, pour le dog allemand et pour le chihuahua, alors qu'ils ont été décrétés par les humains, tout comme les bâtards. Mmh. Eh non, d'accord. Bon, je comprends ce que tu me dis hein, sur ce fantasme de pureté, mais je ne vois pas encore en quoi ça ressemble aux idéologies ou aux dogmes dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, figure-toi que les chiens réputés de pure race sont bien plus fragiles que les bâtards qui ont été conçus sans contrôle et sans standard. Les chiens qui sont nés d'union de deux individus assez éloignés génétiquement sont statistiquement plus sains que ceux qui sont nés à l'intérieur du carcan étroit d'un standard. Et comment t'expliques ça ? Eh bien, les standards, c'est ce que je te disais tout à l'heure, trouvent leurs racines au XIXe siècle, c'est-à-dire hier. Donc un petit groupe d'individus a donné naissance à une population de chiens qui sont tous plus ou moins cousins, en tout cas plus proches génétiquement qu'un berger des Pyrénées et un épagneul breton. Cela implique une certaine congénitalité qui, comme chez les humains, produit des faiblesses et des carences. Par ailleurs, il y a des gènes récessifs qui resteraient silencieux en face d'un gène dominant et qui dès lors vont pouvoir s'exprimer plus facilement dans une population où ils sont plus concentrés que dans la moyenne. Ah ouais, mais c'est comme en Islande. Tu sais, pour contrer ce problème de brassage, l'Islande a mis à disposition de ses habitants un logiciel qui leur permet de calculer leur degré de proximité génétique avec la personne avec laquelle ils envisagent de faire des enfants. Exactement, ça c'est typiquement le type de dispositif qu'on met en œuvre pour empêcher la congénitalité. Et c'est intéressant que tu parles d'une île parce que l'île, c'est l'archétype de l'isolement. Que ce soit une île au sens topologique comme l'Islande ou comme le Japon, que ce soit une île au sens du dogme pour une religion ou un paradigme pour une science. Et les îles sont typiquement des réceptacles dont les portes sont plus volontiers fermées, dans les deux sens, hein, les portes d'entrée et les portes de sortie. On y injecte plus difficilement de nouvelles informations et on en voit sortir plus difficilement des informations dirigées vers le reste du monde. Bon, dans ce que tu décris, je vois comme une dichotomie se dessiner. Yin, yang, conservation, destruction, concentration, diffusion. Ouais, ouais. Mais tout cela, c'est très binaire. Tu vois, dans ton propos, je sens bien se dessiner le 0 et le 1, le côté comme ceci ou comme cela. Et le brassage, lui, il te donne le droit à la nuance. Et c'est précisément cette richesse-là à laquelle tu peux avoir accès désormais dès lors que tu commences à brasser et à brasser et que tu sors du dogme et que tu sors du canon. Ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration. Ça te permet d'aller tendanciellement vers la concentration ou tendanciellement vers la diffusion. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que le fait de figer, de rendre hermétique ou inchangé un appareil idéologique, ça semble indispensable pour le constituer, mais si l'hermétisme perdure, bah, on voit augmenter les probabilités de disparition ou de débilité congénitale. Ouais, c'est ça, et je sais pas si tu penses à quelqu'un ou à quelques courants idéologiques en particulier quand tu dis ça, mais c'est oui, c'est ça. Je reviens à notre sujet. Ça te donne envie de conclure quoi sur le caractère contagieux de l'ignorance? Peut-être que pour s'en prémunir, il faut habilement jouer avec les portes de sortie et les portes d'entrée. Ouais, d'accord. D'accord. Et alors maintenant, je reviens sur notre raisonnement par l'absurde. Et les idées? Les idées, elles, quoi? Est-ce que tu penses qu'elles sont contagieuses? Oh, tu sais, moi, on se bat monde. Je crois que tout est contagieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, feedback, bienvenue. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Juste un mot sur Victor. Vite fait, Victor est un type épatant. Je suis en train de lire son dernier roman qui s'appelle Habeas Corpus et j'adore. Alors plutôt que vous en parler moi, je vous invite à le suivre sur SoundCloud. Vous le trouvez tout simplement en tapant Victor Boissel, B-O-I-2-S-E-L. D'ailleurs, on l'écoute tout de suite. On écoute son teaser de Habeas Corpus. Habeas Corpus. Tu possèdes ton corps t'appartient. Une maxime qui décrit fidèlement un des traits caractéristiques du monde où vit Edgar Finker. On y possède son corps, et si les services rendus à la société sont assez grands, on a le droit de lui faire gagner en jeunesse et en beauté. La jeunesse et la beauté sont devenus des signes extérieurs de réussite sociale. Une réussite aussi flamboyante que rare. Quelques élus, quelques élites, quelques êtres hors du commun jouissent de corps jeunes et beaux, périodiquement renouvelés. Le reste du monde se laisse vivre avec peu d'ambition et peu de crainte. En effet, ceux qui constituent le bas-peuple sont généreusement pris en charge. L'automatisation de l'industrie a atteint un point tel que le travail des humains est devenu superflu. La pauvreté même a été vaincue. Le plus modeste des citoyens a de quoi vivre confortablement. Il peut travailler ponctuellement ou régulièrement pour s'offrir une distraction ou un luxe. Mais nul n'a plus besoin de travailler pour vivre. La paix sociale qui en résulte s'est traduite par la disparition du crime et plus tard de la police alors sans objet. Ainsi va le monde. Ainsi coulent les jours dans la vie d'Edgar Finker, un homme qui n'appartient pas à l'élite, qui n'appartient pas au bas-peuple, rien qu'un homme qui assume l'une des fonctions dont les machines ne se sont pas tout à fait emparées. Il travaille à l'administration fiscale. Les crimes avaient disparu, pas les délits. Finker traquait ceux qui s'étaient laissés quelques menues libertés dans leurs déclarations, ou qui détournaient simplement des fonds. En définitive et en dehors de ces quelques comportements marginaux, tout porte à voir ce monde comme un aboutissement apaisé de la civilisation. Jusqu'au jour où l'impensable est commis. Un événement inimaginable pour cette société libérée des heurts et de la violence. Un meurtre a été perpétré. C'est inconcevable, au point même que le concept d'assassinat a disparu de l'histoire et de la fiction. Mais ce jour-là, l'idée du crime quitta le monde des idées et revêtit la froide robe de la brutalité concrète. Un homme est mort. Et il est mort par la main d'un de ses semblables. C'est Edgar Finker qui découvre le corps lors d'une mission de routine. Incrédule, il peine à réaliser qu'un meurtre a effectivement été commis. Un meurtre. Il n'existe ni protocole, ni institution pour l'élucider. Finker, dérouté, avertit sa hiérarchie, et c'est précisément lui qu'elle charge de comprendre rapidement les circonstances qui ont concouru au drame. Il s'engouffre alors dans un dédale d'aventures qui lui révéleront les entrailles de ce monde à la plastique irréprochable.